Hommage à XCOM. Carnet de bord du capitaine du Skyranger 2. L'escouade Alpha revient d'un théâtre d'opération situé au nord de l'Inde. Un centre d'achat infesté de sectoïdes et de mutants a été nettoyé. Nous déplorons 3 morts parmi les nouveaux. Maurice, Linda et Félix. Le quartier général XCOM sera content. Capitaine, les rations sont prêtes. Ah, merci, sergent Pepper. Quoi de mieux que de se remettre d'une rude bataille avec quelques barres tendres de soleil vert? Certainement, capitaine. La cafétéria a vite fait de recycler le corps de Maurice sous forme de juteuse barre tendre, mon capitaine. Oui, quelle misère de devoir manger nos camarades, mais si on doit le faire pour sauver la race humaine... Il le faut, capitaine, mon capitaine. Et puis, j'ai un petit creux. Quelle saveur? Fromage feta, capitaine. J'adore. Ah, Maurice, quel doux souvenir je garderai de toi. Oh! Nous venons de recevoir un message du quartier général, mon capitaine. Mais qu'entendez-vous, sergent? Lisez-le. Oui, capitaine, mon capitaine, c'est l'épouse de Maurice, mon capitaine. Elle aimerait rendre hommage à la dépouille de son mari, mon capitaine. Quoi? Elle désire lui faire une sépulture et une cérémonie. Mais quelle idée ridicule! Elle aimerait rendre hommage à une pile de bartendre? Mais... Qu'est-ce que c'est que ces méthodes barbares et primitives d'honorer un corps sans vie? Elle rechigne donc à utiliser les dispositions modernes actuelles? Oui, capitaine. Je lui envoie donc une fin de non-recevoir. Et comment? Non, mais... Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler jeu. Et là, cette semaine, mesdames et messieurs, toute une émission parce que ça fait 7 ans aujourd'hui, jour pour jour, que Puissance Maximale existe. Donc, bonjour Monsieur Castagan, joyeux anniversaire. Merci Monsieur Michaud, pareil pour vous. Et là, on a une belle surprise pour les auditeurs de Puissance Maximale, Andrew. Cette semaine, on a des vieux de la on vieille avec nous. On porte pas de pantalon. Non, toi peut-être, comme ton habitude, mais moi j'ai mis les miens. Ah, ok. Mais on a des vieux de la vieille cette semaine, des anciens de l'émission, des fondateurs, des gourous, bref, des mentors. Des légendes. Ben oui, on a Monsieur Vincent Langlois, ancien animateur de Puissance Maximale. Hey, bonsoir tout le monde, ça va? Ça va bien, Vincent? Ouais, je vais baisser son micro. Ouais, excusez-moi, c'est moi qui crie. Non, mais ça cause que... C'est l'ancien animateur, Vincent, ça paraît. Là. Tu te rends-tu compte? Que c'est la première fois que j'ajuste les slides de volume de ton micro, là. Tout à fait. J'étais à ta place, moi. C'était François qui était assis ici. Et c'est peut-être pas la première, ça sera peut-être pas la dernière fois que t'es ajustes, là. Ah, tant mieux. Puis là, tu passes, puis là, en plus, t'es accompagné de ta descendance, la jeune Eliane. La jeune Eliane qui est avec nous, oui. Bonjour. J'espère, est-ce qu'elle va parler au micro? Bonjour, Eliane, ça va bien? Oui. Ah, voilà, elle s'est déjeunée. Et là, ben là, Vincent est là pour jaser avec nous pendant la première partie d'émission, on va dire ça comme ça. Et avec lui, un autre ancien, Monsieur Christian Lacroix. Hey, bonjour. Ça va bien, Christian? Ça va très bien, oui. Mais là, Christian, on vous avez eu les deux là, lors de l'émission spéciale qu'on avait fait à Geekfest Québec au mois de juillet. Et là, je vous ai envoyé un petit message, là, c'est hier, directement hier. Je vous ai dit, ah, 7 ans demain, ça va t'as-tu te passer? Là, en plus, toi, de ton côté, Christian, tu m'as pas juste dit « Oui, oui, je vais être là », tu m'as dit « Oui, oui », puis je vais critiquer des jeux en plus. Oui. Donc, on va critiquer quoi aujourd'hui avec toi? Ben en fait, des jeux de rôle traditionnels, là, pas sur ordinateur, Numenera et The Strange, entre autres. Excellent. Moi, je les connais pas du tout. Du bon jeu, papier et crayon. Oh, voilà. Oui, c'est et des dés. C'est les meilleurs. Ben j'ai hâte d'en entendre parler Monsieur Lacroix, parce que j'aime bien les jeux de rôle moi-même, mais je suis assez cantonné dans mes ce que j'aime. Tu sais, on joue pas mal Pathfinder, ces affaires-là, tu sais, dans le style Donjon Dragon. Ouais. J'ai hâte de voir de quoi ça nous parle, ces jeux-là. Puis là, on décide, on a Monsieur, puis là, il est loin des micros, là, mais tu peux t'approcher, Mathieu. Monsieur Mathieu Galarneau, ça va bien? Bonjour à tous. Ben oui, un ami. C'est en fait, pour ceux qui se demandent, c'est Mathieu, il passe des fois à l'émission, il vient nous piquer de la bière pendant les dégustations qu'on fait à l'occasion. Mais Mathieu, en fait, c'est le chef de l'information, on pourrait dire comme ça, du peuple de Lévis. C'est avec lui que je travaille quand j'écris mes textes pour le journal. Donc voilà, puis là, Christian qui veut envoyer le micro à Mathieu. Je voulais vous dire un joyeux anniversaire, donc c'est pour ça que je suis passé aujourd'hui. Quand même, Lucky Number 7, fallait le souligner. Ben là, ça va être une belle année qui s'en vient. Merci beaucoup, Mathieu, d'être en studio avec nous. Ça fait plaisir. Et là, en plus, ben là, tout au long de l'émission, on va parler aussi de nouvelles ludiques. Puis là, je pense qu'on va avoir le temps aussi de critiquer les Sims 4 avec Monsieur Castegan aussi, un peu plus tard dans l'émission. Que j'ai réussi à jouer 24 heures avant la sortie officielle. Et tu vas nous expliquer pourquoi, ça va être très drôle. Oui, et je vais faire comme bravo, Yé. Bravo. Bravo. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui vous attend dans ces 2 heures de Puissance Maximale. Mais on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. D'ailleurs, on s'excuse pour le podcast de la semaine passée, petit problème, donc on va vous mettre ça demain matin, en fait, ou même de ce soir, ça devrait être fait, pour les deux émissions, celles que vous entendez présentement et celles de la semaine passée. T'es en feu, Mike! Ben oui, on va se lancer comme ça, on espère que ça va marcher. Donc, normalement, ça devrait être en ligne dès ce soir. Et on vous invite aussi à aller sur Facebook. Donc, Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Vous adhérez à notre page et vous allez avoir plein de nouvelles en exclusivité sur l'émission. Aussi des articles qu'on fait suivre, commentaires et autres. Et là, j'allais dire, et les concours. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, les concours qui ont été lancés la semaine dernière seront les derniers de la saison. Donc, peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Donc, ce soir seront les derniers gagnants pour les concours de La Revanche et de Pink Vivi. D'ailleurs, je tiens à remercier beaucoup les gars de La Revanche et Véronique qui nous ont fourni tous ces beaux prix tout au long de l'été. Depuis le mois de mai quand même, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup de gagnants. C'était un gagnant par semaine, donc faites le calcul. À peu près 24, autour de 24 gagnants. Donc ça fait pas mal de monde d'heureux. L'important, c'est l'expérience à Noël. T'es les 12 jours de Noël, sauf ça va être les 12 semaines de Noël. On pourrait se préparer de quoi pour le temps des fêtes? On lancera ça, mais bref, merci beaucoup à nos amis qui nous ont aidés là pour ces concours-là. Et grâce à eux, nous avons plus de gens sur la page Facebook qui connaissent l'émission et vice-versa. D'ailleurs, on pourrait dire le montant, là, t'sais, c'est notre 7e anniversaire. On est rendu à 545 personnes qui aiment la page Puissance Maximale. Je vois une petite larme là, sur le bord de l'œil à Vincent. Là. C'est comme un rêve. Là. Il y a 3 chiffres. Eliane trouve ça très drôle. Ouais, très drôle, oui. Ah, tu vois, j'ai dit son nom, puis c'est fini, c'est plus drôle. Donc, voilà, mesdames et messieurs, on vous invite, bien évidemment, à aimer les pages de nos amis, donc des gens de La Revanche et Pink Vivi, et bien évidemment, la page de Puissance Maximale. Monsieur Castegan, comme le veut de la tradition, nous irons en musique pour débuter l'émission, et on va y aller avec un classique pour ceux qui connaissent, et une découverte pour d'autres. On va y aller avec le Nahal Band, qui est un des groupes les plus demandés à l'émission, et on va y aller avec mon ancêtre Gurdil. J'ai comme un trip sur les nains ces temps-ci. T'as encore écouté le Hobbit. T'as revu le nain avec le Mohawk. Puis là, des nouveaux personnages à Pathfinder. Genre, je me fais-tu un nain? Puis là, c'est toujours... Bon, ça fait que je me suis dit, on va se lancer là-dedans. Et voilà, on vous lance ça dans vos oreilles. Donc, mon ancêtre Gurdil du Nahal Band à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Voici l'histoire d'un incapable de

maximale. Parce qu'il y a eu un début il y a 7 ans, le tout a débuté. Non. Le 3, ben oui, le 3 septembre. Il y a eu un début? Tout à fait, le 3 septembre 2007. Et ça s'est passé à Sequoia, à Québec, à l'époque où est-ce qu'on était avant. Et c'est monsieur, il y avait monsieur, bien évidemment, François G. Couillard, qu'on appelle bien affectueusement le grand Manitou ici, encore à l'émission. Et il est parti avec un de ses copains, si je me rappelle bien. Sébastien Léonard. D'ailleurs, le G dans François G. Couillard, c'est pour génial. Ah, bien sûrement. Non, mais en fait, c'est que au départ, c'était un fanzine, le but. Donc, c'était vraiment une version papier et on essayait de distribuer ça dans différents endroits. C'était assez spécial. Et puis, finalement, Sébastien Léonard, lui, il a dit, ben lui, il faisait de la radio beaucoup, d'autres émissions. Puis, il s'est dit, ben pourquoi qu'on fait pas une émission? J'aurais une possibilité. Et de fil en aiguille, c'est devenu ça. Ça aussi, il y avait le site Internet qui est arrivé. Donc, là, ça c'est arrivé la radio presque pas par accident, mais disons, à l'origine, c'est vraiment un fanzine papier. Mais on sait que les fanzines papier sont en train de. Ben, à cette époque-là, en plus, là, on parle. C'était vers la fin, là. Déjà, ouais. Ouais, le niveau technologique prenait la place, même si à l'époque, en 2007, Facebook faisait son apparition, puis on n'avait pas encore de page Facebook. Disons que, oui, on est encore sous l'idée du papier, parce que je pense que on est des amateurs à la base du livre papier, à la lecture sur papier, tout ça. Christian était bibliothécaire de carrière. Oui, puis ça plaisait de produire ça, sauf que il y avait des frais, c'était compliqué. Oui. Puis après ça, c'était de trouver des endroits pour le distribuer. Souvent, les commerces acceptaient, mais c'était toujours un peu délicat. On partait avec nos copies de fanzines, puis on allait distribuer ça à certains points. Là, puis, c'était une époque. Fait que là, la radio, c'était un format beaucoup plus, je pense, pertinent là, pour rejoindre plus de monde. Finalement. Oui, puis ce qui est intéressant, tout à l'heure, Andrew parlait des 12 amis Facebook qu'on avait peut-être à une certaine époque, mais Puissance Maximale, ça a été longtemps populaire en Europe. Avant d'être populaire, mais populaire au Québec. Là, il y a vraiment une remontée avec votre prise en charge de l'émission, les contacts que vous avez. Mais à l'époque, qu'on était sur la Rive-Nord, on recevait des commentaires de l'Europe. Là, nos émissions étaient disponibles, bien sûr, sur le site web de Puissance Maximale que vous avez revampé. Mais on envoyait aussi nos émissions à un site web qui s'appelait Abandonware France. Oui. C'est encore le cas. Ils viennent chercher ça sur le site et ils mettent ça dans leur programmation sur le site Abandonware, effectivement. Et quand on faisait le relevé mensuel des clics qui étaient faits sur notre site web à l'époque, ben il y avait beaucoup plus de clics qui venaient de l'Europe que du Québec. Nul n'est prophète en son pays. Oui, ouais, effectivement. Ben non, c'est encore le cas de notre côté. Bananaware est toujours à l'affût. Ils nous ont même écrit quand on a revampé le site pour dire « Ouais, c'est encore correct. » Non, c'est ça. Oui, nous autres, on était bien contents qu'ils continuent à diffuser tout ça. Là, Christian, t'es arrivé quand dans cette histoire-là, toi, parce qu'il y a eu François et son collègue de l'époque. Mais là, toi, t'es arrivé quand? Tu faisais quoi au départ à Puissance Maximale? Ben, en fait, j'étais un des nombreux chroniqueurs de l'époque, mais moi, c'était surtout les jeux de rôle, un peu comme je vais faire tantôt. Là. Okay. Les jeux de rôle traditionnels, c'est un peu ça à l'époque, ce que je faisais. Puis après ça, c'est drôle parce que j'ai abandonné, puis je me suis lancé plus dans les jeux de société, les jeux de plateau. Mais à l'époque, c'était un jeu de rôle. Là. C'est vraiment ça mon créneau, parce que tout le reste était pas mal pris. Il y avait même un chroniqueur de musique de jeu. Il y avait chroniqueuse. Il y avait une chroniqueuse ou chroniqueur, je sais pas. Le bon français, ce qu'on emploie, qui était vraiment jeu PC. Okay. Il y avait Gaming Rétro aussi, avec Mathieu Place. Oui, Mathieu. Et moi, je suis rentré par le biais de Christian Lacroix, qui est ici. Ah, voilà. Qui est un de mes amis, un ancien collègue, qui m'a parlé de ça. Et moi, j'étais un amateur de radio au départ. Et il manquait quelqu'un pour faire de la chronique de jeux vidéo autre que PC. Parce que moi, je ne suis pas un gamer PC, je m'excuse. Gamer console. Et je suis rentré par le biais du gaming console. Et, puis aussi, Vincent est devenu l'animateur, parce que c'est lui qui avait la plus belle voix. Donc, nommé à un moment donné. Non, c'est devenu notre animateur. Puis après ça, Michael est arrivé. Il y a eu de la compétition. Tout à fait. Non, mais ce qui est arrivé finalement, c'est que Sébastien Léonard a été là pendant un an. Sébastien animait. François est parti faire du volontariat dans un pays d'Amérique latine. Et il est parti pendant 6 mois. Donc, on était la gang sans François pendant un bon 6 mois. Il était en Bolivie. Et à l'été 2008, Sébastien a quitté. Et c'est là que j'ai pris la relève à l'animation. C'est ça. Et on a continué. Moi, j'ai continué jusqu'en novembre 2008. 2011. Oui, 2011, oui. Avec vous, messieurs, qui étaient déjà sur l'émission à ce moment-là. D'ailleurs, ça vaut la peine d'applaudir notre relève. Là. Oui, super bonne relève, vraiment. Très bonne émission, je pense que... Oui, ça vaut la peine. Oui, bravo, bravo. Merci. Je pense qu'on vous le mentionne souvent aussi, vraiment. Mais merci beaucoup. Faites un très, très beau travail. Chapeau. C'est le fun de se le faire dire par les gens qui étaient là avant nous. Hein. C'est, puis, en fait, pour expliquer aux gens comment, en fait, pourquoi moi et Andrew, on est venus à parce qu'il y a des gens qui le savent pas, moi puis Andrew, on était chroniqueurs. En fait, Andrew a commencé, on s'était présenté la première fois à l'émission parce que vous nous aviez invité pour Cap et Kimono, le festival sur lequel on travaillait. J'étais venu parler du projet avec Marie-Camille à l'époque. Et moi, je pouvais pas. Et non, c'est ça, lui, il était pas là. Puis là, quand il, là, t'as su qu'Andrew, parce que Andrew est un de tes anciens élèves, Vincent. Oui. Là, tu avais appris sur le moment qu'Andrew était dans cette organisation-là, puis avec le sujet, tu as demandé à Andrew, ben, ça ne tendrait pas de venir à l'émission parler justement de manga, d'animé japonais, des trucs du genre. Donc, Andrew a fait son entrée à l'émission. Moi, c'est 2-3 mois après, quelque chose du genre. Oui, ben, c'est aussi. En fait, ce qui s'est arrivé, c'est que je suis rentré, j'ai commencé à faire de l'animation, de la culture japonaise un peu, puis après ça, j'ai fait, les gars... Je connais ça, mais je suis vraiment plus gaming que manga. J'inviterais Michael, qui lit c'est plus ça. De choses à la culture que moi. Je participerais dans ses chroniques, mais il est plus féerique que moi. Et son japonais était meilleur que le tien également. Ouais, c'est également. C'est que là, bon, ben, je suis arrivé, puis de fil en aiguille, quelques chroniques plus tard, ça se passait super bien. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a à l'été 2011, des problèmes sont faits que Sequoia a fermé pendant tout un été et même presque une tout l'automne. Une partie de l'automne, oui. Et c'était le premier été de vacances. Ouais, de puissance maximale, parce que puissance maximale, c'est une tradition, c'est pas juste à cause de nous. On est pas mal là toute l'année. C'est rare qu'on prenne des breaks de l'émission. C'est vraiment de par force majeure, quelqu'un qui est malade ou quelque chose du genre qui nous. Puis à date, y a pas grand monde d'assez malade pour nous empêcher de faire le show à date. Peut-être des malades, mais de jeu. Non, c'est ça, c'est ça. Disons que dans l'ancienne station, ça arrivait plus souvent un peu parce que moi, je suis de Lévis, puis c'était moi qui faisais la mise en onde. C'est ça. À la fin, je commençais à me débrouiller pour la mise en onde, mais... C'est ça. Mais là, maintenant qu'on est à Lévis, ben il faut vraiment, mais vraiment, je sois malade pour pas être là. C'est ça. Puis de mon côté, à date, ça va bien que le traversier, c'est que je me débrouille. Ce qui fait que là, après cette pause de plusieurs mois, ben là, il y a justement Vincent qui a engendré cette belle petite Eliane, donc il devait s'en occuper. Fallu faire des choix à un moment donné. Ben oui, puis François, de son côté aussi, avait d'autres projets. Guillaume Forand aussi, qui faisait partie de l'équipe à ce moment-là, qui avait d'autres choses également de son côté. Donc, il y a Francis Rodrigue aussi. Francis Rodrigue, également, qui est avec nous. C'est ça. Il y a Christian, qui est super. Toute la gang, finalement, qui était là à la fin, on avait d'autres projets quand il est arrivé ce moment-là. Puis là, ben justement, Vincent puis François nous avaient dit, bah nous de notre côté, je suis pas sûr qu'on va continuer. Puis là, on a fait, ben voulez-vous qu'on continue l'émission? Puis vous nous aviez donné le feu vert, donc ça nous a fait plaisir de reprendre tout ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai réécouté la semaine passée quelques émissions du début quand moi puis Andrew on a commencé à animer puis à gérer tout ça. Ça paraissait qu'on commençait. Je veux dire, c'est pas le même, pas aussi heureux dans la voix. Plus, tu le sens la nervosité dans les présentations puis dans ce qu'on faisait. Mais il y a un début à tout. Hein. Ouais, tout à fait. Si vous avez la chance de repasser un jour la première entrevue que j'ai faite, je me souviens même plus avec qui c'était là. C'était affreux. Ça a duré 2 minutes. Je pense que j'ai posé 2 questions. J'ai regardé la gang en studio. Il y avait François à la console. Puis je me souviens plus qui était à ma droite et à ma gauche. Personne bougeait. J'ai fait, ben, merci monsieur. À la prochaine. Ah, c'était affreux. Si je la retrouve, je vous l'enverrai. Ah, là, excellent. Parce que j'en ai quand même quelques-unes, mais j'ai pas tout. En fait, je me promène sur le site où on met les émissions, là. J'essaie de retrouver justement, là, ce que vous avez entendu au début de l'émission, en fait, mesdames et messieurs, parce que je l'ai pas expliqué. C'est des petites capsules. À l'époque, François aimait bien faire des petits sketchs comme ça en début d'émission. On va tous se rappeler mon excellent Miss Pac-Man. Faudrait le retrouver. C'est pas compliqué, je cherche Puissance Pac-Man. Ouais. Non, mais je vais le trouver. C'est pas plus compliqué. Mais c'était la petite signature de Puissance Maximale à l'époque. François vraiment tenait à mettre une petite capsule humoristique en lien avec les jeux, en lien avec le monde geek, finalement. Et c'était très bien écrit, c'était très bien fait. Ça nous arrivait dans les mains un peu quelques minutes avant l'émission. Donc, nous, on était un petit peu moins bon acteur que François. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est ce que vous avez entendu tantôt. Donc, vous avez entendu Vincent jouer le capitaine. Il y avait François qui jouait l'autre personnage également. C'est de là. J'ai sorti ça hier. Je me promenais justement 7 ans. Je vais commencer à checker les anciens trucs qui avaient été faits. Puis là, j'ai dit, je vais sortir ça pour l'émission de demain. Donc, il y avait ça aussi qui se faisait à l'émission à l'époque. Donc, c'est pour ça que moi et Andrew, on a fini par arriver à Puissance Maximale comme coproducteur de l'émission, animateur, metteur en ondes. Et... avec nous, je pense aussi, je sais François, il se déplaçait, mais je pense que vraiment que Puissance Maximale sorte et se promène autant dans les événements, je pense que c'est venu aussi... Ouais, nous autres, on en a fait quelques-uns, je vais t'avouer, franchement, là, on a fait la première fiesta ludique à Montréal, des choses comme ça. On a même fait la Fierté Geek numéro 1 en 2000. Tu sais, Vincent, il y a peut-être de quoi, qui s'en vient avec ça. Ah oui? Ben, en fin de compte, vois-tu, c'est en le 1er février 2009. On voulait faire une journée de la fierté geek, bien sûr, en faisant le jeu de mots avec la fierté geek. Et on avait décidé de faire ça un 1er février. Puis on savait même pas qu'il y avait la fierté geek au mois du 25 mai qui était créée depuis 2006. Donc, on voulait faire un événement à Québec. On a fait ça au Cercle. Oui. Puis c'était bien. Puis il y a encore des documents sur Internet présentement disponibles. Vous pouvez voir, il y avait une émission avec, j'oublie le nom de l'animateur du téléjournal à Québec, là, sur l'heure à 6 heures. Là. Mais il y avait une émission spéciale sur un poste de télé communautaire. Puis il avait fait une émission spéciale sur les geeks. François avait participé, puis il avait même filmé des moments de la fierté geek de l'événement. Je me rappelle de cette vidéo-là. C'est toujours disponible là, sur Internet si vous cherchez bien. Ah, c'est bon. Mais c'est ça, il y avait des événements qui étaient faits. Puis là, en plus, ça, on rajoutait des événements où on se déplace maintenant, moi, puis Andrew. Bref, on essaye de donner de plus en plus de visibilité à cette émission-là. Donc, C'est super, puis ce qui est bien à part de ça, c'est que vous nous avez pas laissé de côté non plus. Parce qu'on reçoit souvent des invitations. On n'a pas toujours la chance, Christian et moi, et même les autres, de pouvoir participer à l'émission, mais on reçoit toujours des invitations. Ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on est encore dans l'équipe, quand même. Ben oui, on pense toujours à nos anciens, nous, parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à Christian, en fait, tout part de là, parce que si Christian n'avait pas été là, Vincent n'aurait pas invité Andrew, qui m'aurait invité moi, puis on serait pas là maintenant. Donc, c'est l'effet papillon. C'est ça. Merci beaucoup, Christian, d'avoir invité Vincent. Puis merci à ma belle-mère, là, Denise Couillard, là, qui parce que c'était dans la famille, bref, c'est elle qui m'a fait le lien avec François Couillard. Ah, voilà! Il fait de la radio, il aime ça, les affaires comme thème, là, les affaires de geek, là, que je comprends rien. Donc, c'est là que ça a parti. Alors, vous n'aurez pas le choix de nommer l'émission sur le web, soit Puissance Couillard ou Puissance Lacroix. Là. Ah ouais, ça va être quelque chose du genre. Ou Léonard. Puissance Léonard. D'ailleurs, on tient à saluer officiellement M. François Couillard, malheureusement, qui ne pouvait pas être là. Salut François, on est content, bien content que tu sois, que tu aies été sur notre chemin. Et grâce à toi, existe cette magnifique émission et voilà, cette belle équipe qui s'est rencontrée et qui fait encore, en tout cas, de le plus possible de la belle radio. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, François. Et espérons que. Un jour, si on se ramasse dans la même chaise que Vincent puis Christian, là, qu'il y ait une relève encore. Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, on veut que ça dure au moins 7 autres années. Hein? Minimum. Minimum. Ça serait le fun. Puis on va demander qu'on vive de tout ça. Moi, je veux que ça soit plus vieux que Monsieur Net. Tu sais, que le monde dise, Puissance Maximale, c'est... Déjà que c'est meilleur. Oui. À cette heure, il faut juste que ça dure plus longtemps. Il faudrait battre Jacques Languérin. Il a fait, ouais, c'est surtout lui qu'il faut aller chercher. 55 ans, c'est ça. Par quatre chemins. Oui, par quatre chemins. Ouais, je me rappelle quand je travaillais dans un dépanneur pendant que j'étais à l'université. Là. J'écoutais ça, je finissais tard le soir, puis là, j'écoutais par quatre chemins le dimanche soir. Là. C'était motivant de finir mon chiffre. C'était profond. C'était intéressant, mais disons que c'est. Il n'y a pas la voix la plus entraînante, M. Languérin. Ça, c'est quand smooth. Il riait. Ça nous réveillait quand il se mettait à rire. Ouais, c'est ça. C'est pas mal la seule affaire qui réveillait dans cette émission-là. C'est idée de passer ça à cette heure-là. Mais bon. Voilà, écoutez, messieurs, c'était bien content d'avoir parlé du bon vieux temps avec vous. Christian, tu restes avec nous. On va parler de jeu tout de suite après la pause musicale. Et de ton côté, Vincent, je crois que tu dois retourner à tes... Je vais aller vaquer à mes occupations. De papa? Oui, tout à fait. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, messieurs. Puis on se donne rendez-vous peut-être dans quelques semaines. Ah oui, pourquoi pas? Écoute, on va continuer à se parler sur Internet. On va s'organiser de quoi? C'est excellent. Ça, salut Vincent. Hey, merci pour l'invitation. J'espère que tu vas syntoniser le 96.9 dans ton auto. Et je le syntonise, tu le sais, tout le temps. Je participe à ma façon à l'émission. Et voilà. J'envoie des commentaires de temps en temps. Non, c'était moi qui faisais une shameless plug. C'est correct, oui. Allez-y, 96.9. CJMD FM, Lévis. Ben voilà, c'est fait. Mesdames et messieurs, justement, en parlant de radio, qui dit radio dit musique. Et on va partir en pause musicale avec les gens de Dance Lurry Dance. On va y aller avec la chanson de Hammer and the Nail. Dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. Supernatural mystic vibrations tonight as we roll. Et oui, mesdames et messieurs, re-bienvenue à Puissance Maximale. Vous avez entendu la gang de Dance Larry Dance avec The Hammer and the Nail. Et là, vous venez d'entendre l'ancien thème que Christian avait lorsqu'il était à l'émission. Ah oui, ça rappelle les souvenirs. Oh oui, et là, Christian, on va se lancer dans une chronique jeu de rôle. Ouais. Ça fait longtemps, on n'en parle pas souvent à l'émission parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tout gamer. Jeu de plateau, jeu vidéo, jeu de rôle, le seul auquel on joue, c'est celui qu'on connaît bien. Nous autres, on joue à Pathfinder avec Andrew aussi, une game de Paranoia. Oui. Et de Call of Cthulhu aussi. De Call of Cthulhu, Andrew, Call of Cthulhu, j'ai de la misère à embarquer. J'ai pas encore tout à fait compris. Je sais c'est quoi Cthulhu, là, mais j'ai pas compris encore qu'est-ce que je fais. C'est une méchante bébite, ça. C'est tout un numéro que ce jeu. J'ai compris qu'il y a des affaires de paranoïa, des affaires de santé mentale, puis des pétantes de même, là. Sauf que, pour l'instant, je suis un archéologue. C'est ça. Ce qui est dur à accepter là, dans ce jeu-là, c'est que tu es certain que dans quelques mois, quelques séances de jeu, tu vas soit devenir fou ou tu vas mourir. C'est pas gagné dans ce jeu-là. C'est un autre. Ben, c'est comme un peu paranoïa. C'est ça que j'essaie d'expliquer à mes joueurs dans ce style. Il y a du monde qui dit je vais faire ça, j'ai travaillé ça. J'ai dit mais commence pas à t'attacher. Il faut pas s'attacher à tes personnages. Les jeux dont je veux vous parler, par contre, c'est un peu plus, épique. Là. C'est des jeux qui sont. D'abord, il faut parler du titre. Ça s'appelle il y a The Strange et Numenera. Okay. Ça, c'est les noms des jeux. Et il faut parler d'abord du designer principal. C'est un certain Monte Cook. Ah ben, on le connaît, même, lui. Ouais, c'est quand même une légende là, dans les jeux de rôle. C'est Chantal qui nous avait parlé de ce gars-là. Ah, il y a plein du monde qui nous a parlé de ce gars-là, Monte Cook. Pour ceux qui ne savent pas, il a participé à Advance. Il a participé au premier. Ben, je sais qu'il a fait Donjons & Dragons, surtout 3 et 3.5. Là. Ouais, je pense qu'il avait aussi écrit des trucs pour Advance Dungeons & Dragons. Ou 2.0. Il a travaillé beaucoup avec. Il a travaillé sur plein d'autres univers. Oui, il a travaillé sur sur les règles du petit jeu là, de Star Wars de vaisseau. Là. Oui, entre autres. Ah, oui, donc, il a une carrière assez phénoménale et donc, il a son bassin de fans. Et puis là, après 35 ans de création, il s'est dit, je vais me lancer moi-même je vais faire la conception de mon jeu de rêve. Et ça a donné Numenera. Et en fait, il a lancé une campagne Kickstarter. Ça remonte en septembre 2012. Et okay. Tu as pledgé... Non, étonnamment, non. Non? Non. C'est pas toi qui faisais un cri du cœur. Je sais, je suis un maniaque de Kickstarter, mais j'ai manqué ça. Par contre, je me suis repris avec un jeu de rôle. Là, Goat Simulator? Non, c'est pas un jeu de rôle, ça. Planescape, en fait, c'est Torment, en fait, mais qui a été fait dans l'univers de Numenera. Ça va être un jeu d'ordinateur. Ah, OK. Et là, j'ai pris l'option pour avoir le jeu, le livre de base, en tout cas, bref. Donc, Numenera, c'est quoi, en quelques mots? Faire une histoire courte. C'est de la science fantasy, OK? Ça veut dire que ça se passe, en fait, dans le futur très lointain. On parle d'un milliard d'années dans le futur, OK? Sur la Terre, comme. Mais l'humanité, il réside maintenant dans les vestiges où il y a eu 8 civilisations, des grandes civilisations avant, dans les millions d'années avant. Et donc, il y a un paquet de... C'est un jeu de découverte, OK? Donc, nous, on est comme un peu pas des barbares, là, mais des gens qui n'ont pas trop de connaissances. Et on doit se faire un avenir et en découvrant et en essayant d'apprivoiser les gadgets qu'on trouve. Okay. Donc, c'est un jeu où on fouille. Maintenant, on trouve des trucs étranges. Puis là, on pèse sur le piton. Puis là, on espère. Puis des fois, ça fait juste une lumière, mais des fois, ça peut faire un petit trou noir un peu plus loin. Puis là, tu viens de blaster ton copain. Oups, désolé. Alors, donc, c'est vraiment un jeu où il y a les points d'expérience, c'est pas pour les combats vraiment. Oui, il y a des combats, c'est certain. Mais c'est vraiment le jeu, le système est basé sur aller la découverte. La découverte, l'exploration. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et moi, je vous encourage à aller voir numenera.com. Vous allez voir, moi, je trouve la force de ce jeu-là, c'est l'évocation, c'est les images, les artistes. Okay. Qui est allé chercher, parce qu'il a eu quand même un bon succès dans sa campagne Kickstarter. Il m'a dit... All your bays are belong to Christian Lacroix. Andrew a décidé que... Pour être ça. pour être certain, il va falloir partir le thème. Voilà, c'est fait. Nice. Nous sommes bien avec Christian Lacroix. Oui, ça continue part 2. J'allais justement dire que... C'est un hommage aux erreurs qu'on faisait. Non, c'est oui, ça. C'est... En fait, je voulais justement dire ça, c'est le fun d'avoir justement des bons artistes visuels quand on a des livres de jeux de rôle. Ah, oui. Parce qu'il y a des trucs que, je sais pas, on dirait que j'embarque beaucoup moins, moi, quand j'arrive dans un livre qui est mal illustré. On arrive, disons, dans le cas des classes de personnages, des fois qu'on peut avoir, ça donne pas des bons exemples visuels. On dirait que c'est beaucoup moins inspirant. Fait que je suis bien content d'entendre que justement ils ont trouvé quelqu'un pour faire quelque chose de bien. Ce jeu-là, là, il est absolument magnifique. Puis ça donne. Tu regardes certaines images, tout de suite, tu as le goût d'aller là, tu as le goût d'aller voir c'est quoi. Puis c'est toujours des trucs qui flottent, des espèces de villes qui flottent dans les airs, dans des dômes avec des trucs électriques. Vous pouvez faire n'importe quoi là-dedans. Pratiquement. Okay. Et en plus, tout ce qu'on a, tout ce qu'ils ont créé là-dedans, c'est juste une petite partie d'un continent. Donc tout est ouvert. Vous pouvez aller plus loin. Et c'est un peu la même chose pour son autre jeu qu'il a fait l'année dernière. Il a fait une autre campagne pour The Strange et ça vient de sortir. Là. Ça fait un an, mais on commence à recevoir le matériel. Okay. Ceux qui ont fait la campagne Kickstarter. Et moi, j'ai commencé à jouer. D'ailleurs, je tiens à lever mon chapeau au Club des Seigneurs De Naguère. Oui, à l'Université Laval. Donc, c'est là que j'ai trouvé mon maître de jeu qui m'a repiqué, donné la piqûre à nouveau les jeux de rôle classiques. Et The Strange, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux jeux-là, rapidement? C'est le système de création de personnages. OK? Donc, lorsqu'on crée un personnage, au fond, c'est extrêmement simple et c'est très facile pour un débutant parce qu'on fait une phrase, on écrit une phrase. Okay. Donc, on part du nom. Je suis un. Puis là, tu commences par ton nom. Donc, soit les fameuses trois classes de base, un guerrier, un mage ou une espèce de voleur, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle dans les jeux. Non, mais juste pour... Un archétype qui ressemble à ça. C'est ça. Et ensuite, là, vous rajoutez un adjectif. Il y a une liste et ça vous donne certains avantages. Par exemple, vous pouvez dire un mystique, un guerrier, ça s'appelle un glaive, par exemple, dans Numenera. Et vous finissez par une... Qui, trois petits points, par exemple, qui contrôle les machines, ou qui parle aux animaux, ou qui fait des choses comme ça. Ça peut aller très loin dans les extensions. Maintenant, ils ont fait des trucs comme qui voyage dans le temps, ou qui contrôle la gravité, ou qui parle aux morts. Donc ça peut donner des résultats assez flyés, merci. Et ce qui est bien aussi pour les nouveaux maîtres de jeu, c'est que on roule pas de dés. C'est tous les joueurs qui roulent les dés. C'est un système très simple avec un D20 principalement. Ah, okay. De nouveau, difficulté facile à calculer. Pas besoin d'une table. Là. Et en tout cas, donc je vous épargne les détails, mais allez voir ça. Ça vaut la peine si vous aimez les jeux de rôle. Facile d'accès, mais très, très imaginatifs qui vont vous faire voyager. Les deux sont hallucinants. Juste un petit mot peut-être sur The Strange. Lui, la différence, c'est que ça se joue actuellement, en 2014, dans le monde sur Terre. Okay. À la base. Sauf que vous avez ce qu'on appelle des récursions. C'est-à-dire que nous, on est comme des agents spéciaux. On travaille pour une espèce d'organisation. Et notre but, c'est de protéger la Terre contre des incursions de l'étrange, de strange, c'est quoi? C'est une espèce de matière noire, OK? D'où émergent des planètes ovores, OK? C'est des espèces de gros monstres géants qui bouffent des planètes. Et donc... il y a des récursions, c'est des espèces de plans parallèles, et nous, il faut aller là pour essayer de les arrêter. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un voyage dans cette dimension, dans d'autres dimensions, puis en passant, il n'y a pas de limite, le jeu vient avec deux dimensions déjà toutes faites, mais vous pouvez prendre n'importe quel univers fictif. Donc, Toulouse, par exemple, vous pourriez facilement faire... Embarquer ça là-dedans. N'importe quoi, Stephen King ou de l'horreur. Ah, c'est le fun, ça! Oui, le système, et donc... c'est moi, juste une parenthèse, je ne sais pas si Mike, as-tu partagé le lien du site? Oui, tout à fait. La Art Gallery, là, les images... The Strange, oui. Sont quelqu'un. Le site est très beau. Si vous aimez... juste pour ça, je pense que ça vaut la peine de... en tout cas, c'est un facteur hallucinant là, dans les... voilà, donc The Strange, c'est bien parce que c'est un jeu presque infini. C'est ouvert, là, la variété. Et si vous êtes tanné d'une région, ben vous avez juste à changer de dimension à ce moment-là. C'est ça. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a un système, comme je dirais ça, il y a comme un pamphlet qu'on peut replier. Donc, quand on traverse, notre personnage change aussi. Puis là, tu choisis une nouvelle incarnation. Donc, ça peut être un golem ou ça peut être une autre race étrange. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait que votre personnage peut prendre différentes formes. Puis en plus, c'est ça, on peut se lancer. Justement, on est, disons, dans un monde, tu sais, présentement, on est en 2014, on joue dans l'ère moderne. On peut se ramasser dans une dimension justement médiévale, fantastique, quelque chose de un peu steampunk. On peut se ramasser ailleurs. C'est, disons que on est un peu, disons, tanné du carcan, disons, de Donjons Dragons ou de l'univers White Wolf ou de d'autres univers. Mais on peut dire, bon, on se lance des personnages dans cet univers-là qui est de Strange, puis après ça, on peut se lancer ailleurs avec le même personnage. Tout à fait. C'est, ouais, c'est franchement intéressant, un méchant bon concept. Bon, là, Christian, on va se parler sérieusement, c'est quand tu pars une game avec du mec là-dessus. Oui, certain, si vous voulez, on pourra se faire une petite partie de ça, c'est clair. Je veux l'essayer. Ah, c'est clair, c'est vraiment intéressant. Je suis bien d'accord, moi, je serais prêt à vous le faire essayer. Tu m'as fait découvrir Paranoia d'une façon géniale, je me dis, il y a juste toi qui peux me faire découvrir ce jeu. Ah, n'importe quand, on fera ça. Moi, je suis en amour présentement, c'est mon coup de foudre. Un coup de cœur vraiment ces deux jeux-là. Puis en plus, ils sont compatibles parfaitement. Donc, si vous avez un, vous pouvez facilement... C'est les mêmes mécaniques à la base. Ah, c'est donc, ça, je me demandais pour Numenera, c'est le même système... Oui, ils appellent ça le Cypher System. Okay. Et puis, en gros, c'est 95%, c'est la même chose à peu près. Okay. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans The Strange, c'est les récursions, comme je disais, qui fait que là, tu changes de... Ton personnage peut changer selon les incarnations, mais... Mais ça s'implante très bien dans l'autre système. Là. Oui, tout à fait. On reconnaît... presque les mêmes, les focus qu'on appelle, puis les descriptions, les descripteurs, tout ça, c'est presque... Il y en a plusieurs qui se retrouvent carrément dans les... Ouais. Donc, c'est facile d'emprunter de l'un à l'autre. Je me rappelle que Monte Cook, à l'époque, quand j'ai joué à Donjon Dragon 3e ou 3.5, il y avait même... Il y a des trucs qu'il n'aimait pas dans ces éditions-là, puis qu'il y avait sorti même des guides alternatifs. De Monte Cook dans le titre, là. C'est ça, Monte Cook, quelque chose. Il y avait des... Je sais pas s'il y avait sorti des quêtes aussi, mais je sais qu'il y avait sorti des trucs, tout ce qui est, disons, des règles alternatives, des classes alternatives, des versions alternatives. Entre autres, je sais que le Ranger, à l'époque de la 3e édition avait créé c'est drôle là, pour certaines personnes qui écoutent en ce moment qui sont pas très roleplay oui ça se peut des scandales dans l'univers du jeu de rôle et le Ranger de la 3e édition de Donjons Dragons en avait créé un petit était vraiment pas assez efficace comparé aux autres classes et Monte Cook est arrivé avec sa version revampé. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que quand j'entends le nom Monte Cook à quelque part je sais pas parce que j'ai pas suivi beaucoup ce qu'il a fait mais c'est sûr que je vais m'intéresser puis là d'après ce que tu me sort là, moi c'est sûr et certain que là ça m'intéresse, puis là ça a l'air excellent. Oui. The Strange, ben spécialement ça, genre le concept de monde multiple, à la limite, quelqu'un qui voudrait se lancer dans un RPG de Doctor Who, on aurait quelque chose de vraiment intéressant. Là. Oui, il y a déjà aussi un vrai jeu de rôle qui existe, Doctor Who, d'ailleurs, à cause du 50e anniversaire, ils sont en train de tout refaire, puis ils sortent une boîte, je pense, par docteur. Là. C'est pour les collectionneurs, les maniaques de Doctor Who, okay. Les millionnaires, il faut être millionnaire. Ou ceux qui veulent acheter leur boîte de leur docteur. Ouais, préféré, puis, voilà. Ils gardent celle-là, ou les maniaques auront toutes celles-là. OK, je savais même pas qu'il y avait un jeu de rôle Doctor Who. Oui. Ah ben, calvasse. Par mais... Cubicle 7, les Anglais, les mêmes qui font l'anneau unique. Là. Ah, OK. Donc, très bonne compagnie d'ailleurs. Au niveau, c'est ça, The Strange puis Numenera, c'est la maison, c'est une maison d'édition. Ben, en fait, c'est de Monte Cook Games. Ah, donc, voilà. Il a parti sa propre compagnie et maintenant, il a la complète liberté. Il fait ça, entre autres, avec sa femme, qui a écrit un supplément sur la sexualité, l'amour et la sexualité dans les neuf mondes, le neuvième monde. Okay. Alors, c'est ça, déjà, ça, il y a plein de suppléments en passant, même qu'il a ouvert son univers. N'importe quel personne, développeur peut écrire dans ça. Il y a une espèce de licence ouverte, comme il y avait dans Donjons Dragons 3.0, 3.5. Ouais, Pathfinder alors, aussi a fait ça. Oui, je Pathfinder. Crois, ouais. Donc, il a fait la même chose. Alors, il y a déjà des beaux suppléments qui passent. Alors, il y a énormément de matériel, surtout pour Numenera. Là. Actuellement, il y a plein de suppléments. Ben, c'est drôle que tu parles justement de sexualité dans les jeux de rôle, parce que c'est con. Certains diront que c'est bizarre, d'autres diront pourquoi enfin. Tu m'en regardes en disant ça? Non, parce que Mathieu n'est pas un initié, je crois, aux jeux de rôle. Non, vraiment pas. Puis, ben, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, tu sais, dans les beaucoup de joueurs, en fait, au niveau du jeu de rôle, tu sais, on est souvent dans l'heroic fantasy médiéval ou, tu sais, dans le cas, disons, de White Wolf, on a quelque chose de, tu sais, plus dark horreur. Mais il y avait quand même un petit côté, disons, qu'on jouait à Vampire the Masquerade. Ben là, il y avait justement le truc de la séduction avec le vampire et tout. Mais, tu sais, il y en a qui veulent avoir des, tu sais, heroic fantasy, oui, médiéval, fantastique, oui, mais. Avec un petit côté réaliste. OK, tu rajoutes un T, érotique. Aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en fait, c'est juste avoir un côté réaliste, pas juste avoir, tu sais, un gros guerrier qui détruit tout, il doit avoir, dans la vie, il doit faire autre chose que péter la gueule à des orques et aller boire à la taverne, tu sais. Oui, d'ailleurs, en prenant de l'âge, là, je fais mon vieux crouton, là, dans la quarantaine, mais c'est ça, à un moment donné, tu veux plus jouer, là, comme, tu joues plus comme un adolescent. Non, pas du tout. La power fantasy, là, t'as passé ça, t'sais, on n'a plus besoin d'aller chercher dans un jeu, là, que, ah, là, je suis enfin fort et puis donc, on a passé ça et puis on veut plus faire des jeux, justement, avec de la politique, avec des subtilités dans le jeu de rôle et puis où là, ça devient presque de la vraie il y a des beaux moments, malheureusement trop rares, où on réussit vraiment à se répondre. C'est comme de l'impro, dans le fond. C'est tout à fait, oui. Mais c'est de l'impro, en fait, souvent, parce que quand on connaît pas le scénario de l'aventure qu'on est en train de faire, de base, on peut pas réagir de façon scriptée. Puis aussi le fait que amener justement des trucs comme la sexualité ou tout simplement avoir des bons livres avec tous les détails qu'il faut pour les villes où nos bonhommes vont se promener les régions, on arrive vraiment dans un jeu immersif. Ouais. Puis là, on se fait du fun. Quand on a vraiment beaucoup de détails, on est en train de jouer à Pathfinder dans une nouvelle quête. On a tout ce qu'il faut sur le village où on commence, la forêt, toute la région qu'on connaît, le genre d'humains qui sont là, les créatures. On est vraiment... Quand on commence à jouer, on a l'impression d'être vraiment des personnages qui viennent de là. On est informé. On n'est pas juste des joueurs qui arrivent, qui se prennent une pointe de pizza puis qui commencent à lancer des dés. Puis un bon truc aussi, là, c'est autant au niveau du maître de jeu que des joueurs, c'est de connaître les accroches de tous. Donc, on devrait tous avoir nos personnages des points faibles ou peut-être une relation avec des temps chicanes avec ton père qui est puissant ou t'as un ennemi qui est dans telle faction. Alors, quand tout ça, les gens peuvent faire des liens à ça, ça serait pas un tel. Puis là, le maître de jeu peut, oui, c'est bon, OK, je le prends. Puis on intègre ça. Puis là, ça devient plus vivant, plus réaliste, comme tu dis, puis beaucoup plus personnalisé. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient que les joueurs alimentent leur maître de jeu, hein, parce que moi, j'ai été maître de jeu longtemps, puis tu sais, des joueurs qui s'assient, qui attendent que tu leur dises quoi faire. Puis là, tu dis, moi, je me rappelle, moi, j'ai arrêté de... Parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'étais maître, puis j'écrivais tout, de A à Z, dans mes... Ça prend une éternité. Ouais. Et là, tu penses à peu près à tout ce qui peut se faire comme option que les joueurs peuvent trouver avec ce que tu leur as écrit. Là, fait que tu penses à tout, t'écris tout. Puis là, ben, t'as une gang de joueurs qui font, ben, on va aller là. Puis ils suivent le personnage non-joueur, celui que t'incarnes, puis là, ils attendent d'avoir tout dans le bec, tandis que là, tu t'as préparé plein d'à côté pour qu'ils puissent avoir du fun, aller rencontrer tel personnage qui pourrait leur donner des réponses, ils vont pas explorer. Tandis que quand on a des joueurs qui sont proactifs, qui font, moi, je me suis écrit une histoire avec mon personnage avant de commencer, ah, OK, toi, t'as ça. Fait que là, nous, on peut justement... En plus de nous alimenter pour nos propres histoires, ou même quand on a des histoires préfaites, ça fait des bons à côté à rajouter. Ben en plus, t'es encore plus dans l'histoire en sachant qu'il peut peut-être avoir quelque chose qui s'en vient de ton passé, ou t'as, comme là présentement, moi puis mon frère dans la vraie vie, on est frères dans le jeu, on n'a jamais fait ça. On est jumeaux dans le jeu, puis ça fait vraiment une dynamique, le fun, que habituellement avec mon frère, j'ai pas quand je joue à des jeux de rôle. Mm-hmm. C'est un petit plus qu'on s'est fait. Puis ça marche à fond, c'est de se lancer, de pas avoir peur. T'sais. Oui, puis même des fois, par exemple, de jouer un personnage extrêmement faible physiquement, mais un super cerveau. Là, t'es obligé de composer avec tes limites. Tu vois qu'une scène d'action, tu te mets dans le trouble. Là, j'essaie de courir, mais là, j'ai ma canne. C'est ça. Donc, là, t'espères que le gros guerrier à côté va te ramasser. Ça, j'en ai un bonhomme qui est un mage qui a zéro force, sauf que le problème, c'est que mes dés m'aident pas quand j'en ai besoin. Ah non, c'est ça. Grand mage avec plein de pouvoirs magiques, mais le problème des dés reste. Ça, c'est certaines personnes. Christian, t'aimerais ça jouer avec moi, c'est très divertissant. Ah oui, j'imagine. Assez. Mais là, justement, avant de terminer ça, parlant de dés, mon cher Andrew, j'ai quelque chose autour du doigt présentement, et c'est le fun, là, vous entendez le bruit, mais qu'est-ce donc que ceci? C'est une bague. Ouais. Ben, moi, j'ai même pas le droit d'en avoir une. Non, t'es trop loin. C'est une bague, en fait, on va appeler ça des Dice Ring. Je pense que c'est ça le nom. C'est fait par la compagnie Crit Success, dans le sens de Critical Success, j'imagine. Voilà, oui. Et c'est vraiment littéralement un dé sur une bague. Donc vous pouvez, moi j'ai allumé parce que moi c'est ça, je vais jouer un mage. Il me semble que ça fitterait de faire ça sur mon doigt, je te fais ça de dégâts en regardant sur mon doigt. Ça fait de la gueule. Mais en fait c'est ça le principe, Christian, c'est qu'on a un anneau avec une bande qui tourne autour de la bague. Oui, il y a un marqueur, il y a une espèce de flèche à un certain endroit. Ça se porte surtout sur l'index et donc on peut avec le pouce facilement la tourner et générer. J'ai même ici un roche papier ciseau Lizard Spock. Oh! Mais donc, il y a plein de modèles comme ça. Il y a des D20, évidemment, qui étaient d'ailleurs, quand j'ai commandé, il n'en restait plus. C'est le plus populaire, c'est sûr. J'ai même une espèce de compteur. Il y en a un qui ne roule pas comme tel. Il roule, mais c'est pour tenir un score. Ouais. Donc, tu le clips, tu le déclips au besoin. Donc pour, ben, j'ai vu qu'il y avait un live counter ici. Là, c'est ça. J'en ai un ici, moi, qui est 0 plus moins, puis un attaque qui monte jusqu'à 4. Ça, c'est le Fudge Dice, oui. Ça, c'est le D, c'est un, j'appelle ça le D fudge. C'est que, donc, tu roules pour savoir si c'est plus ou moins, puis ça va de 1 à 2. Puis, donc, ça, c'est un type de D. Ça, on peut se ramasser les doigts plein de bagues pour pouvoir jouer. Mais en fait, si vous voulez avoir votre D20, je pense que l'idéal, ça serait d'avoir le D20, surtout si vous jouez, bon, évidemment, ouais, Donjon Dragon, qui est quand même le D20 système qui est un des plus répandus. Oui, dont Numenera et The Strange, d'ailleurs. On prend des D20 principalement. Mais je ne sais pas s'ils l'ont restocké. Moi, ça fait quand même déjà une couple d'années là, que j'ai ça. Fait que peut-être que sûrement qu'ils en ont maintenant. Ils en ont. Fait qu'on peut savoir que Christian, il était cool avant que ça le devienne. Non, c'est ça. Ben non, c'est ça. C'est un vrai hipster. Oui, j'étais un hipster. Mais en fait, bon, ben, pour ceux qui se demandent, vous allez sur Crit, C-R-I-T, success.com. Et ben, en fait, je vais mettre ça sur la page Facebook. Ben, juste pour vous avertir, là, c'est vraiment cool. C'est penser, c'est quand même assez cher. C'est pas donné, ouais, c'est un, disons, si vous voulez avoir votre D20 en anneau, là, c'est quand même 20$. Ben, c'est la qualité est quand même là, par exemple. Oh, oui, c'est des bons produits, là. Je veux dire, c'est pas de la camelote. C'est confortable sur le doigt. Mais on s'entend que c'est juste une. Non, c'est ça, c'est vraiment. Folie de gamer, là, c'est quand t'as le goût. Faut être un maniaque, faut être collectionneur, puis faut être gamer. Ah, j'avoue, 20$ pour un D20 en anneau, quand même. Mais, c'est pour ça, peut-être que ça t'aiderait. Peut-être que c'est l'idée. Le problème, c'est qu'achète tout plein de bagues, puis tu vas voir venir chiller dans ton hood. Bling, bling. Avec ton bling. Je trouve ça drôle qu'il y ait une bague pour les alignements, par exemple. Oui, il y a même. Il y en a pour tout, en fait. Oui, il y en a, j'avoue que c'est un peu réussi. Il y a deux, tiré par les cheveux. Il y a des 3 des 6, donc pour les mages d'entre vous qui veulent avoir. Ou à GURPS, les joueurs de GURPS. Ah! C'est un système qui fonctionne avec 3 des 6. J'ai les livres de GURPS. Donc non, c'est puis il y a le tail, OK, à place de faire pile ou face, vous avez l'anneau pour le faire. Ouais, ça c'est. Bref, il y a tout, mesdames et messieurs. Ouais. Si vous êtes le moindrement gamer, vous êtes collectionneur, ben allez sur le site, je vous mets ça sur la page Facebook de Puissance Maximale dans les prochaines minutes. Écoute, Christian, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça fait plaisir. Si tu peux, et si tu le veux, tu es invité à rester pour le reste de l'émission pour nous parler, pour commenter avec nous les différentes nouvelles et qu'est-ce qu'on va faire tout au long de l'émission. Monsieur Castegan, il est temps de partir en pause musicale de mi-émission parce que oui, mesdames et messieurs, il est 19h54, presque 55, dans le merveilleux royaume de Lévis et où nous sommes le soleil ludique qui se lève tous les mercredis soirs sur cette ville. Voilà, j'ai fait un peu de poésie. Hein, voilà. Wow. C'est pour ça que tu m'as engagé pour écrire dans le journal. Cette poésie, ma foi, des plus... on va dire ludique, inspirée et ludique. Ouais, et ta plume me chatouille. Fait que pour la prochaine article dans le journal, un haïku par Michael Michaud. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on a quand même une colonne à remplir. Ça va être cher payé pour un haïku. Mais tout okay, ça pour... dans ce cas-là, un recueil de haïku. Tout ça pour dire, mesdames et messieurs, qu'il est temps de passer en pause musicale de la mi-émission. Et on va y aller avec deux trucs, en fait, assez à l'opposé. Mais quand même, on va commencer par une tourne de Rammstein qui s'appelle « Ich tu dirve ». J'espère que mon allemand est bon, sinon... Meilleur que mon japonais. Sûrement. Et tout de suite après, écoutez, on ne peut pas passer à côté 7 ans de Puissance Maximale. On va y aller avec la chanson Puissance Maximale de Zedd et ses disciples, tout de suite après Rammstein, donc dans vos oreilles à Puissance Maximale. À CJMDFM 96.9, Lévis. Ich steck die Orden ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar gegeben. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. So ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt. Egal, erlaubt ist, was gefällt. Ich tu dir weh, tut mir nicht leid. Das tut dir gut, wenn ihr schreit. In Salz und Eiter. Erstirbst du doch, dann lebst du weiter. Bisse, Tritte, harte Schläge, Nadeln, Zangen, stumpfe Säge. Wünsch dir was, ich sag nicht nein. Und führ dir Nagetiere ein. Ich tu dir weh. Du salon, homme d'affaires Monopoly, au château de la fortune, c'est le combat pour ta survie, pour ton honneur sur les dunes. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Capitaine interstellaire, Viking du Nord, pirate du Sud, choisis ton jeu, choisis ton camp, sois prêt à te battre sur le champ. Deviens axe ou allié, fais un blocus à ton ennemi, c'est le combat pour ta survie. Les dés sont lancés, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Il faut savoir prendre le risque, apprendre de ses échecs, respecter les dames. Go! Arrivés à Catan, comme des aventuriers du rail, ils veulent construire leur arsenal. Que tu sois de San Juan, de Carcassonne ou de Cuba, c'est la guerre, c'est la junta, et le meilleur de nous vaincra. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Hi, I'm Alexey Pajitnov. I'm creator of Tetris and you are listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu la gang de Rammstein avec Ich tu dirve. Et Puissance Maximale de Z et ses disciples. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas qu'on avait une chanson pour nous, ben c'est fait, mesdames et messieurs, vous le savez maintenant. C'est la gang de Z et ses disciples, un groupe, c'est un groupe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Saguenay-Lac-Saint-Jean, voilà, c'est dit, Saguenay-Lac-Saint-Jean, voilà, qui a fait ça, je pense que c'était pour la, tu dirais, Christian, pendant la pause, la deuxième ou la troisième année de Puissance Maximale? Environ, mais c'est très vague, ouais. Donc, ça fait quand même un certain moment que ça a été fait. Donc, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, on a une toune à notre... L'album date de 2012. Ah voilà, mais je pense que la toune avait été faite avant. Elle avait parce été que... faite avant, mais ouais. Elle a été mise sur album en 2012. Ah, voilà, donc c'est dit, Puissance Maximale version Z et ses disciples. Monsieur Castegan, il est temps d'aller en... ben je pense, est-ce que tu serais prêt déjà pour ta critique des Sims 4? Ben oui. Ben allons-y, pourquoi monsieur, pas? Monsieur Castegan, partons, parlons des Sims 4, jeu qui est sorti très récemment. Ben il est sorti mardi. Voilà. Moi j'ai pu y jouer toute la journée de lundi. Et là... Normalement, t'aurais pu y jouer seulement mardi. Seulement, en fait, moi, je l'ai précommandé sur Origin. Okay. Donc, la plateforme de distribution en ligne de EA, l'équivalent de Steam, dans le fond. Et le principe, c'est qu'on pouvait télécharger le jeu, l'installer, et le jeu se déverrouillait le 2 septembre à minuit. Voilà. Donc, si je restais dans la debout, nuit de lundi à mardi. Exactement. Et le principe, c'était que si je restais réveillé, ben j'aurais pu tout simplement jouer au jeu dans les premières heures. Et moi, étant informaticien de profession, je me suis dit, je me demande si Origin se fie sur le pays qu'on a rentré en s'inscrivant ou s'il se fie de l'endroit où notre connexion Internet provient. Fait que la chose que j'ai faite, c'est que je me suis installé un logiciel de VPN qui permet de créer un réseau virtuel privé. Avec lequel t'as utilisé? Ah, ben ça, je peux pas le dire, Michel Michaud. Voilà. Parce qu'il faut pas encourager ce genre de processus. Illégal! Non, voilà. Non, mais c'est pas illégal au Canada. Il y a certains pays où ça l'est, mais plus que je sais qu'on a plusieurs personnes de l'Europe qui nous écoutent, je le dirai pas parce que pour eux, c'est illégal. Tu veux pas donner tes petits trucs, Monsieur Castigan? Googlez-le, vous allez le trouver facilement. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est à cause de certains endroits, comme exemple aux États-Unis ou encore en Europe, où ils ont des lois comme ADOPI ou encore le Patriot Act qui peuvent vérifier, mais c'est illégal d'installer ce genre de logiciel-là. Et puisqu'au Canada, ce n'est pas encore le cas. T'en as profité. On est correct. Fait que tout ça pour dire que j'ai installé ce petit logiciel qui m'a permis de créer une connexion virtuelle qui faisait à croire à tout le monde sur la toile que j'étais un Coréen du Sud. Donc, J'espère du Sud. C'est les Coréens du Nord qui jouent au Sims 4, là. Il y en a pas beaucoup. Ils doivent pleurer aussi, ceux qui jouent, là. Je pourrais avoir une vraie vie. Ouais. Je pourrais manger du poulet rôti. Et non. Pas toi, vilain petit Coréen du Nord. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, un Coréen du Sud, M. Castigan. Oui, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai parti cette connexion, j'ai fermé et réouvert Origin. Et tada! Le jeu était accessible. Il n'y a vu que du feu. Tu dois être fier de ta shot, là. Ben, en fait, la première chose que j'ai fait, ah, ben, coudon. Et deuxièmement, j'ai fait, bravo, EA. Moi, j'avoue. Là, il y a du monde qui ont argumenté avec moi en me disant « Ouais, mais là, si t'aurais été en voyage en Corée du Sud, j'ai dit « Ça change rien. T'es de nationalité canadienne, t'es supposé de respecter les dates de sortie de ton pays. Que tu sois au Japon, que tu sois en… » La version canadienne, c'est pas dire, la version canadienne est supposée être accessible le 2 septembre. Ouais. Et non pas parce que j'étais en Corée du Sud que je l'ai 24 heures avant. Fait que là, bref, ça c'est… Mais le jeu, est-ce qu'il en vaut la chandelle? Sérieusement, là, je vais faire une critique. Et, premièrement, je vais dire ma relation avec les Sims. J'en ai déjà parlé, mais je vais le rappeler pour les gens, dans le cas que vous l'avez pas entendu. C'est moi, je suis un gars multiplatformeur et généralement j'aime bien un bon jeu de tir, j'aime bien les bons RPG, tout ça. Mais les Sims, c'est comme un peu mon jeu pour brûler du temps. Tu sais, quand ça me tente pas de m'embarquer dans un gros RPG épique, tout ça, puis tu sais, ça me tente de gamer, mais ça me tente pas d'embarquer dans une grosse patente. Je pars les Sims, puis c'est un peu comme mon Dynasty Warrior, mais pas violent. Tu sais, c'est... Ok, ouais. Ton Candy Crush. voilà, c'est ça. C'est mon jeu de casual gamer. Tu sais, quand ça me tente pas d'embarquer dans une grosse affaire, je joue à ça, puis tu sais, je suis bien content, puis j'aime bien ça, tu sais. Je suis pas un accro, mais j'aime bien ça. Et tout ça pour dire que les Sims 4, il y avait eu beaucoup de vidéos là, qui avaient été montrées sur Internet, des choses comme ça, au niveau des nouvelles fonctionnalités, la nouvelle intelligence artificielle que Maxell a implantée dans le jeu. Et j'étais somme toute quand même excité parce que c'était quand même pas mal de rajouts et c'était quand même intéressant au niveau de qu'est-ce qu'il allait faire. Et je dirais que finalement, le jeu est sorti. J'avais vu des nouvelles au niveau de certains éléments que EA et Maxey avaient décidé d'enlever, comme exemple les piscines ou encore le terme anglais, c'est les toddlers, les jeunes enfants. Dans les Sims, normalement, c'est l'étape où on apprend aux jeunes, aux bébés Sims, à marcher, parler, à être propre et tout ça. Cette étape importante quand même de la vie humaine, ben ils ont décidé d'enlever ça. Ah, donc, c'est quoi les raisons pour enlever ça? Ils disaient que c'était par manque de temps. Oh, pour sortir le produit. Moi, j'ai plus traduit ça, hein. On veut sortir un DLC pour avoir votre argent. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle de la chose. Malgré que c'est IA, là, on s'entend. On peut comprendre. On peut comprendre. Mais je suis comme enjoué et en même temps déçu par ce jeu-là. Mais pas au point de dire que c'est pas bon, mais je suis pas prêt à dire non plus qu'il répond à 100% aux attentes de qu'est-ce que je m'attendais des Sims 4. Puis est-ce qu'il y a beaucoup d'évolution par rapport à l'ancien opus, numéro 3? Ben, au niveau du numéro 3, si j'enlève les expansions, là, parce que là, c'est sûr qu'on parle d'un Sim qui a eu sa trollée d'expansions comme toutes les autres. Si je prends le jeu de base, la grosse amélioration des Sims 4, c'est qu'ils ont vraiment travaillé au niveau de l'intelligence du Sim. Parce que le Sim, depuis le premier qu'ils ont fait, c'est quand même un être un peu mécanique. Oui, t'sais, c'est une simulation de vie, mais t'sais, si tu le laisses tout seul, le Sim, t'sais, il fait une chose à la fois, puis il est pas très intelligent, il s'assure de respecter sa vie, puis tout ça. Puis aussi, en même temps, avec les Sims 3, ils avaient rajouté les traits, qui était qu'est-ce qui enthousiasme le Sim, ses passions, ses rêves, et qu'est-ce qu'il vise dans sa vie, parce que dans les Sims 3, les Sims vieillissaient. Donc, dans le 4, ils ont travaillé beaucoup l'aspect émotionnel du sim. Qu'est-ce que le sim n'avait pas? Donc, si le sim vit un moment embarrassant avec un autre exemple, il fait une joke, puis la joke, il y a personne qui rit, ben, il va être gêné. Fait que là, le fait qu'il va être gêné, ben, toute sa démarche, toute sa façon d'approcher les autres, faire ses actions, va être influencée par cette émotion-là. Oh. Et il y a certaines autres émotions qui, actions, je veux dire, qui vont être accessibles. Comme exemple, s'il est vraiment embarrassé, exemple, il s'en va dans un bar, il joue du piano, il se fait huer parce que son aspect créatif est vraiment mauvais, puis le monde, ils ont pas aimé ça. Ben, il peut rentrer chez eux, puis se cacher dans son lit. Même pas dormir, tu sais. On peut cliquer sur le lit, puis aller le faire cacher, puis ça fait en sorte qu'il se calme. Ou, tu sais, on peut aller dans la salle de bain du bar et aller devant un miroir, puis se faire un pep talk. Essayer de remonter la confiance de son sim. C'est bon. Et puis aussi, en même temps, on peut le mettre en état confiant ou étourdi s'il arrive des choses comme ça. Et ou encore fâché. Puis comme quand un sim est fâché, ben c'est le meilleur moment d'aller au gym. Parce que là, il va s'entraîner férocement. Puis après ça, le lendemain, il va être fâché parce qu'il va être raqué de partout. Mais tu continues à le faire s'entraîner. Ben c'est ça, plus encore. Mais ils ont vraiment travaillé beaucoup là-dessus. Et un autre point aussi, c'est le relationnel entre sims. Parce qu'une des choses dans les sims que j'ai toujours trouvé un peu plate, c'est que l'amour et l'amitié étaient la même chose. Donc, advenant le cas que tu étais un sim, tu te faisais, mettons, un autre sim, une autre famille pour avoir un chummy. T'es, ça te tentait de dire, comme moi, exemple, crée-moi un sim, je vais créer Mike. Puis je vais mettre Mike dans une autre maison, puis t'sais, je veux qu'on devienne bro, puis t'sais, on fasse de la... La bromance. T'sais, de la bromance. Ben, t'sais, je veux qu'on devienne amis, puis t'sais, qu'on sorte d'un bar, des affaires de même d'un sim, au lieu de le faire dans la vraie vie, t'sais. Fait que... OK. Non, j'haïs ça avec être avec Andrew dans la vraie vie, c'est tout aussi bas de faire ça. Oh. Mais bref... C'est une joke. Mais oui. Non, c'est ça, sauf que d'un sim avant, qu'est-ce qui arrivait? C'est que quand on devenait trop amis avec l'autre sim... Il y avait un petit cœur qui arrivait. Il tombait en amour. Que c'était deux gars ou deux filles ou un gars, une fille, peu importe. Il y avait comme pas moyen de rester au stade. Puis ça dérangeait bien du monde, hein. Il y en a tout avec la question du genre. Ben c'est ça, mais il y a pas juste ça, c'est juste parce que, tu sais, mettons, mon sim, il allait voir Mike, tu sais, on est chumé, Mike puis moi, en vraie vie, mais tu sais, ça me tente pas que mon sim l'embrasse pour dire bonjour, tu sais. Tombe bien, moi non plus, ça m'intéresse pas. Mais tu sais, je ne mange pas de ce pain. Il y a ces petits moments étranges-là qui se passaient dans les sims du principe que la barre d'amour et d'amitié était pareille. Pas de distinction. Dans les sims 2, ils ont séparé ça. Bon. La barre de romance est à part. Les Sims 2? Les Sims 4, je veux dire. Dans les Sims 4, ils ont séparé ça. Ils ont la barre d'amitié et la barre de romance. Ah, ouais. Donc, dépendamment de laquelle est plus haute, tout ça, ben, la réaction que le Sim va avoir en contact avec ce taux de Sim-là va être entièrement différent. Mmh. Et aussi, ça peut mener à des situations cocasses parce que des actions, dépendamment de la personnalité du Sim, peut être perçue différemment d'un Sim à un autre. T'sais, mettons qu'on fait un hug, mais pour ton Sim qui est peut-être plus introverti, des choses comme ça, lui, il voit ça comme la romance. T'sais, ah, elle me fait un hug, j'ai un contact physique. Mais l'autre est extraverti, puis c'est une party girl. Toute, elle, elle voit ça comme de l'amitié. Fait que là, on peut tomber dans... Comme dans la vraie vie, c'est... Ouais, ça, là, non. C'est plus intéressant. Moi, je joue aux jeux vidéo pour fuir ma vie. Je rentrerai pas dans ces histoires-là ou encore là, sur l'ordi. Tout ça pour dire qu'ils ont vraiment séparé ça, qu'est-ce que je considère quand même un bonne étape vers l'avant. Ouais. Donc, tout ce qui est vraiment le sim en lui-même a eu une nette amélioration au niveau des opus précédents. Opus. Oh, merde. Non, je t'inquiète pas. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas fait. Je crois que tu l'as fait pas exprès. Là. Mais non, j'ai l'oreille alerte. Parce qu'Andrew, à la place de dire opus, il dit opus. Il y en a plus. Non, c'est ça. Mais il y en a plus depuis. Fini. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que ils ont fait un avancé à ce niveau-là. Par contre, l'affaire qui fait en sorte que... Ben ça, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai été enthousiasmé par le jeu. Parce que les Sim 4 livrent la marchandise à ce niveau-là. Vraiment, tout l'aspect, les situations rigolotes, les réactions des Sims, tout ça, ben tout est là. T'es, qu'est-ce que Maxi et EA avaient mis de l'avant en promotion? Il délivre. Fait que ça, je suis content là-dessus parce que SimCity 4, qui était le titre d'avant que Max avait travaillé, a fait totalement l'inverse. T'sais, ils ont promis bien des choses, puis quand le jeu est sorti, ben. C'était un flop assez monumental. Ça a été un flop. Fait que là, à ce niveau-là, c'est correct. Ah, puis aussi, le système de création qui a été complètement revampé pour personnaliser les Sims, j'ai été un peu déstabilisé. Mais une fois qu'on commence à s'amuser avec, on se rend compte de toute la puissance de ce nouvel engin-là. Fait que ça, je dois faire un thumbs up. Par contre, je dois faire un petit bémol sur les choix de couleurs pour les vêtements. Avant, on pouvait vraiment choisir toutes les couleurs qu'on voulait de, selon une palette, ça, c'est plus le cas. Ah, fait que, c'est des modèles prédéfinis. Puis... Ben, c'est ça. Fait que ça, okay. Ça, je fais un petit bémol là-dessus. Donc, ça limite quand même considérablement la personnalisation des vêtements pour les sims. Mais pour tout ce qu'ils ont rajouté pour la physiologie du sim, ça, je fais un gros plus. Puis aussi, construire des maisons, ça se fait en 2 secondes. Oublie pas qu'il y a plein d'expansions à venir. Fait que il va en avoir une sur la garde-robe. C'est ça. Ton linge, tu vas pouvoir le payer pour de vrai, Andrew. T'imagines-tu? On est de plus en plus dans la vraie vie. Mais c'est ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que les maisons, le système de construction, on peut le construire à la vieille école, mur par mur, peinturé, tout ça. Mais sinon, on peut acheter des pièces prédéfinies, les dimensionner comme on veut. Ils viennent déjà meublés, peinturés, tout. On se casse pas le basic. Ah, c'est le fun. Tu sais, comme exemple, moi, j'avais pris une maison qui était déjà là et j'avais besoin d'une salle, un study, qu'on appelle. Ben, j'étais allé Une étude. Voilà. Un bureau. Un bureau. Donc, j'étais allé dans le mode construction, j'ai choisi bureau et je l'ai annexé à la maison. La porte a été créée, les couleurs extérieures, tout s'est adapté en fonction de la maison qui était là. Ça, c'est vraiment bon. Parce que j'avoue que quand tu construis, en tout cas dans les anciens... Tout, j'ai dehors tourné, chercher le bon papier peint, dehors chercher les bonnes couleurs, les bonnes... Ah. La seule bémol, c'est que le toit s'arrange pas en fonction de la nouvelle pièce, mais le nouveau mode de construction fait en sorte que arranger le toit, ça c'est pas une cassure. Okay. Donc, au moins. Puis, est-ce que c'est disponible en anglais uniquement, non? Français aussi? Il est multilingue. Multilingue, OK. Dans le fond, il s'installe selon la langue de ton système d'exploitation. Ah, OK. Et si t'as origine, ben c'est la langue d'origine. Donc, si ton origine est installée en anglais, ben il va s'installer en anglais. Et, tu peux pas faire le choix au début. Donc, non, il se fie à la langue de ton... Ça, les jeux, ça me trouve ça un peu plate qu'ils fassent ça. Mais bon. Ouais. Puis sinon, au niveau du jeu en lui-même, qu'est-ce que je trouve qu'il y a certains points négatifs? Comme j'ai mentionné en début de la critique, ils ont enlevé l'épicine, qui est quelque chose qui est là depuis... toujours au niveau des sims, par raison qu'ils disaient qu'il manquait de temps. Même chose pour les toddlers. Non, ça, je trouve que les toddlers, OK, ça, je peux comprendre. Les jeunes enfants, il y a une mécanique en arrière de ça. Puis, OK, ça, je peux vivre avec. Là. Mais les piscines, on parle d'une surface d'eau où un sim nage dedans. Fais-moi pas croire que ça prend 8 ans à créer. Non, c'est là. Ça. Là, c'est clairement une histoire de Beach Party DLC seulement... Voilà. 20 000 $ et t'as tout compris. Non, c'est sûr que fait c'est... Ça, c'est j'ai qu'en fait, OK, tant qu'à dire que vous les mettez pas, sortez pas une raison boboche du genre « on n'a pas le temps, s'il vous plaît, là, t'es ça. » Non, c'est ridicule. Ça va rajouter à l'insulte. Et ça, d'ailleurs, sur Metacritic, les users, les utilisateurs, les critiques, c'est assez dévastateur à ce niveau-là. Il y a beaucoup de monde qui ont mis une note très basse parce que ça, c'est deux choses, mes amis, parmi beaucoup de choses qui ont été enlevées. La première des choses, dans les Sims 3, il y avait vendu beaucoup le fait que le quartier était maintenant ouvert. Donc, on partait de la maison, on faisait un zoom-out, on pouvait aller où on voulait dans le quartier et le quartier au complet était vivant. Ce n'est plus là, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est un retour en arrière comme on avait dans les Sims 2. Qui fait en sorte que si on veut se promener, on prend le téléphone, on va choisir Travel, on voit une map avec les icônes et on ne voit plus le sim se déplacer pour se rendre à l'endroit où il doit aller. Il se téléporte. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils disent pour compenser, et ça, c'est vrai que c'est une nouveauté, par exemple, c'est que toutes les sims qu'on crée évoluent dans le même quartier. Et il y a deux quartiers disponibles, un désertique et une ville régulière, se communiquent ensemble. Donc, tu sais, on peut aller dans les deux quartiers, et les deux quartiers ont leurs choses à offrir. Mais je trouve que c'est quand même un pas en arrière sur un jeu qui date quand même de longtemps. Les Sims 3, Michael Opérez, tu feras peut-être la recherche pour me dire c'est quand il est sorti. Mais les Sims 3, c'était le gros point de vente, c'était le quartier était maintenant en vie. Le seul moment où on devait avoir un téléchargement de transfert, c'était, mettons, qu'on allait dans la ville ou l'université, qui étaient des quartiers différents du quartier résidentiel. Donc ça... 2009, Sims 3. C'est ça, donc 2009. Donc déjà. On parle d'un jeu que ça fait 5 ans. Là. T'es... Non, c'est sûr. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu décevant à ce niveau-là. Ou ça, en même temps, une autre chose, je sais que normalement, il y a tout le temps des expansions pour ça. Mais tu sais, je comprends qu'ils n'ont pas mis les saisons, l'hiver, l'automne, tout ça. Ça a toujours été une expansion. Mais, s'il vous plaît, laissez au moins la pluie. Ah, il n'y a même plus ça. J'ai joué au-dessus de 10 heures et j'ai jamais eu un orage ou une averse dans le jeu. Il a toujours fait beau. Et le principe pourquoi que je me rappelle qu'avant il y avait des pluies et tout ça, c'est qu'il y avait une façon de mourir qui était d'être frappé par la foudre quand on était dans une piscine. Oh. Et ça date des Sims 1. Ben là, il n'y a plus de piscine. Fait que... Non, ben c'est ça. Plus de piscine, plus d'orage, voilà. Ben c'est ça. Immortels sont-ils maintenant? J'ai comme fait, OK, t'es une autre chose de plus d'enlever à ce niveau-là. sinon, l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont... avec les derniers Sims, le Sim 3, il y avait Sim 3 Ambition où il y avait rajouté beaucoup de travail où on pouvait voir le Sim travailler. Donc, dépendamment des actions qu'on faisait dans le jeu, le revenu dépendait de ça. Ils ont enlevé beaucoup de ces choses-là. Il y a pas mal. À date, j'ai vu une carrière ou deux qu'on pouvait vraiment faire de la maison et c'était tout en lien avec l'informatique. Soit un e-sport athlète, parce que oui, on peut être un athlète de e-sport, mais ça, c'est à cause que c'est en jouant à des jeux et là, notre team devient meilleur et on peut embarquer dans des tournois. Sauf que c'est loin d'être un revenu régulier, fait que c'est sûr et certain que si on joue sans tricher avec son sim, c'est quasiment impossible de faire cette carrière-là. Fait qu'il faut prendre les carrières comme Tech Guru, qui a un moment donné un embranchement où on peut devenir un athlète de e-sport officiel. Mais t'sais, on peut le faire en freelance, là, t'sais, comme à la maison, mais ça, le revenu est tellement pas assez haut que... C'est quasiment impossible. Là. Et l'informaticien, ben, quand on fait la programmation, ben, on peut faire des jobs aussi là, on the side là, pour programmer. Mais t'es, en résumé, c'est voir un sim assis puis taponner sur un ordinateur versus les autres où il y avait quelques mini-jeux comme on fait un Ghostbuster puis on allait dans les maisons puis il fallait trouver les fantômes qui étaient cachés dans la maison. Puis, t'es, c'était pas le mini-jeu du siècle, mais il était là pareil. T'es, on avait une action dans le jeu de la job. Un peu de fantaisie aussi. Hein. Ben, c'est ça. Tandis que là, il n'y a plus ça, du tout, du tout. Sinon aussi, il y a d'autres affaires qui ont été enlevées au niveau... voyons, j'ai un blanc. oui, c'est ça. Une chose qui a été ajoutée, excusez-moi, je voulais dire que moi, personnellement, ça me déplaît. Dans les Sims 3, ils ont rajouté à un moment donné les succès. Un peu comme qu'est-ce qu'on a dans les consoles récentes, des choses comme ça. T'es comme, ah, vous avez mangé 100 crêpes, ben, félicitations. T'sais, ce genre de choses-là. Mais là, à cette heure, ils ont mis des items, comme exemple, la TV de cinéma maison, qu'on est obligé d'être au niveau 10 d'une telle job pour la débarrer. Il y a des items que si le Sim n'a pas atteint tel niveau de connaissance, tel niveau de telle affaire, il ne peut pas l'acheter. Ça devient tellement trop contraignant que tu perds tout le fun, finalement, de construire. C'est justement le fun qu'on avait avec les Sims, c'est de se construire une maison puis un environnement avec justement des petits personnages. Mais là, il y a tellement de choses qui sont barrées, soit par des DLC qu'on va devoir acheter plus tard ou des patentes de succès moi je mettrais pas des heures là-dessus là. Puis c'est pour du casual gaming, je trouve que c'est ridicule. Puis c'est ça. Puis en plus, ça s'appelle Sim, donc ça simule de plus en plus la vie réelle avec des contraintes. C'est génial le point de vue philosophique. C'est un jeu. Hein. Okay. Mais c'est ça. Fait que il y a cet élément-là. Dois-je le rappeler? Et en plus, ben il y a l'intégration du magasin d'objets, du portail de partage. Oh. Fait que qui dans même le store, ça, il avait fait ça vers les dernières expansions des Sims 3, que je trouvais un peu énervant, parce qu'il trouve une façon de titiller que tu magasines tes items, puis là, t'as comme l'item dans un carré doré pour dire « Tu veux cet item? » Et là, tu cliques dessus, puis là, il te dit « Faut que tu payes! » C'est comme « Non! » Bref, tu n'as pas l'air très enthousiasmé par le jeu, M. Castegan. Ben, c'est comme je disais, c'est que le jeu, dans son cœur même, qui est somme toute la gestion du sim. T'sais, si je fais extraction de toutes les mécaniques autour, si je prends le sim pour le sim, il est vraiment génial parce qu'ils ont fait une étape de plus vraiment énorme dans l'intelligence. Ah oui, puis le multitâche. Les sims sont capables de faire du multitâche. Donc, ils peuvent faire à manger, écouter de la musique et écouter la TV. Comme exemple, le meilleur endroit pour apprendre des choses dans ce sim-là, c'est le gym. C'est niaiseux, là, mais mettons exemple que ton sim, il a pas de fun, il a besoin de vie sociale. Puis là, en même temps, tu dis, ah, là, faut que j'optimise mes affaires, là, tu sais, je suis cuisinier, fait que là, faut que j'apprenne la cuisine, des choses comme ça. Ben, on va au gym. En fait, du tapis roulant devant une TV. Avec une émission de cuisine. On met le cooking channel. Fait que là, non seulement il s'entraîne, donc améliore sa statistique physique, Il discute avec les gens à côté, donc ça améliore son social. Il écoute la TV, donc ça lui fait du fun. Et en plus, il apprend à cuisiner. Fait que tout ça parce qu'il fait du multitâche. Ben, c'est bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Là, je trouvais ça un petit peu débile à l'époque que tu te lances, tu peux juste faire une affaire à la fois. Puis, en tout cas, c'est effectivement... Ben, Nassim 3, il pouvait faire deux choses. Il pouvait manger puis parler, ou encore manger puis écouter la TV. Mais il pouvait pas manger, écouter la TV et parler. On est dans le plus réel. C'est ça, t'es, c'est comme je dis... Un bon avantage de ça. Ces mécaniques-là, ils sont géniales quand on prend ça à ce niveau-là. Ils ont fait vraiment un niveau, une amélioration énorme au niveau de qu'est-ce que les Sims 3 étaient. Mais là, c'est quand que je prends juste dans les expansions, tout ça, je peux pas m'empêcher de regarder les Sims 3 avant qu'il y ait ça, les Sims 2 avant qu'il y ait les expansions, puis les Sims 1. Et j'ai l'impression que les Sims 4 est vide. Qui ont tellement enlevé de choses. Que le jeu de base n'est pas comparable à ce qui était sorti avant. On dirait qu'ils ont tellement fondé le bas sur comment vos Sims vont réagir, les émotions des Sims, tout ça, que c'est comme, ouais, je comprends, mais j'ai un bar de karaoké dans les deux maps de quartier. J'en avais cinq dans les Sims 3. Moins de promenade, t'as moins de variété dans tout ce qui est à faire. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est comme cet aspect-là où le monde est vide. Quand que je dézoome sur le quartier, j'ai un parc, j'ai un bar, une bibliothèque, un gym. L'essentiel. Puis le reste, c'est les quartiers où il y a les maisons des Sims que, oui, certes, tu peux aller visiter les Sims. Comme exemple, Marie-Camille, elle s'est fait un couple homosexuel dans mon jeu. C'est très drôle. Okay. Mais bon, mais bref, tout ça pour dire que c'est mes voisins dans le jeu. Je suis allé visiter la maison, puis moi, mon Sim, il est evil et méchant. Non, c'est surprenant. Non, mais je voulais l'essayer, je voulais voir parce que je voulais voir les nouvelles émotions puis tout ça, puis j'ai décidé qu'ils devenaient mes ennemis puis des affaires de même. Puis là, on peut vraiment rentrer dans la maison puis t'es vandaliser la maison, puis toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on pouvait pas dans les autres, à moins qu'on allait, on était invité. Mais t'es invité à vandaliser, pourquoi pas. Non, mais de toute façon, c'est transparent quand on rouvre dans la game de l'autre parce que les Sims ont arrangé. Entre-temps, les choses. Fait que ça n'impacte pas les autres. Voilà. Écoute, M. Castegan, ça va vite, l'émission. On comprend maintenant que c'est pas à la hauteur des anciens titres. Ben, faut attendre. Dans 2 ans et demi, 3 ans, il va y avoir assez d'extensions. Ouais, c'est ça. Malheureusement, j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça va se rendre comme ça, que les Sims redeviendront ce qu'ils étaient à cause de DLC payants, malheureusement. Mais bon, comme on dit souvent à l'émission, c'est IE. Malheureusement. Écoute, Andrew, pour terminer avec ta critique, combien de Sims sur 10 pourrais-tu donner à ce jeu? 5. Un 5 sur 10. M. Castegan est très critique pour Sims 4. Ce sera à voir. Écoute, là, pour le moment, t'as quand même joué pas mal d'heures. Là. T'as pas joué 1h15. 12 heures. Donc, on peut se rendre compte que c'est assez exhaustif. Merci beaucoup, M. Castegan, pour cette critique. Ce sera surveillé. On va sûrement vous en reparler plus ça va évoluer, ce jeu-là. Puis qui sait, peut-être qu'on va voir passer d'autres trucs à propos de ça. M. Castegan, on va aller en musique avant de revenir en nouvelles ludiques. On va parler de grosses nouvelles qui sont sorties cette semaine. Et aussi, je tiens à vous parler rapidement du festival Vitesse Lumière qui s'en vient rapidement. Et aussi de Philosophia, nos amis éditeurs de jeux, qui ont des événements ludiques qui s'en viennent dans le prochain mois dont je veux vous parler. Donc, on s'en va tout de suite avec Keith Kuna et La Joyeuse dans vos oreilles. Et on revient à Puissance Maximale tout de suite après à CJMDFM 96.9 Lévis. Marcus et Alex, les deux snooze. Donc, c'est de même que ça marche, Facebook, c'est pas nous autres qui décident. Et là, on est rendu à 249 j'aime, fait qu'il y en manque un, on a 250, là. Ouais. C'est notre objectif cette semaine. Ça, c'est les âges-là. Fait que là, on me crée un compte. Encore. Mon 247e. 240 secondes différents, je commence à manquer de password. Les deux snooze. Jeudi, 20h à 22h. Elle s'appelle Fillette aux grands yeux, elle s'appelle Marchand au melon, elle s'appelle Comtesse de Saint-Gueux, la vie est belle sous ses jupons, elle chante un air de rhum anglais quand elle se cabre, chaude et douce comme un grand serpent, des marais pelés dorés de perles roussées, elle est magique le temps de rêve, elle est moche le temps d'une vie, j'aime à goûter l'eau de ses lèvres quand aucun mot n'en jaillit, elle est belle et gonfle mon cœur de plaine et de grands oiseaux bleus, qui sont mêlés qui me font peur quand j'entends leur rire s'amoureux. Si tu pouvais mourir, je t'aimerais 100 fois pire, si tu pouvais t'éteindre à jamais j'aurai faim, j'aurai soif, j'aurai froid et chaud. Comme un petit vent blanc, libre, triste et content, et content. Il s'appelle les marchands de dons, il s'appelle les comptes de leur compagnie. Mettre un poison, une souris, ou me piétiner, m'embrasse ou me carabine. Ils ont des idées et des mots qui battent après son ou de beau. Et que peut-on se demander s'ils méritent eux-mêmes de rester balance. Alors rejetons la marche à suivre, être un con. Ils sont honnêtes, bons et gentils, cherchent le bonheur à tout prix. S'ils se cachent dans un frigo, ils en achèteront le plus gros. Si vous pouviez mourir, je vous aimerais sans fois pire. Si vous pouviez tous vous entretuer, j'aurais faim, j'aurais soif, j'aurai froid et chaud. Comme un petit vent blanc, libre, triste et content, et content. J'ai mal au cœur et au poumon. Et puis moi le chien galeux qui se bouffe au fond de sa prison. Moi qui souris ou qui piétine, moi qui embrasse ou qui carabine. Moi qui ai des idées et des mots que je bave à présent. Ou le pour moi avec le con qui me déteste. Moi le grand oiseau et le bal. Moi le vieillard rongé de peste. Moi le bien mais solitaire. Moi qui crache sur tout et sur rien, fuis en cherchant un bon copain. Le disparu des grands soupirs mais qui fut capable de se sentir. Si je pouvais mourir, je m'aimerais sans fois pire. Si je pouvais m'éteindre à jamais, j'aurais faim, j'aurais soif, j'aurais froid et chaud. Comme un petit vent blanc, libre, triste et content, et content. Puissance Maximale vous présente les nouvelles ludiques. Et oui, mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu, la joyeuse de Kikuna. Et là, je vais vous parler rapidement d'événements qui s'en viennent, qui me tiennent à cœur. En fait, pour nos amis de Philosophia, maintenant, en fait, on a appris ça au mois de juillet, c'est que Philosophia Games a fusionné avec Z-Man Games, donc ils sont devenus F2Z Entertainment, donc ils vont continuer à éditer les jeux qu'on connaît sous le nom Philosophia, mais c'est comme un regroupement administratif finalement. Et il y a des activités qui s'en viennent, et je tiens à en parler, puis je vais en parler pour tout ce qui se fait au Québec rapidement pour le mois de septembre. En fin de semaine, 5 au 7 septembre, à Foire du jeu de Longueuil, il se passe quelque chose le 6 septembre à la promenade de Montarville à Boucherville. J'en parle parce que je sais qu'on a des gens partout au Québec qui nous écoutent. 7 septembre, Philo sera au Randolph Pub Ludique à Montréal, qu'on aime bien aussi. Je suis allé à l'occasion. Une belle place. Donc, si vous êtes à Montréal pendant dimanche qui s'en vient, en fait, mais vous pourrez vous y rendre pour jouer. La même journée, il y aura aussi des représentants à la bibliothèque de Notre-Dame de l'île Perrault. Sinon, ça va au 12 septembre, bibliothèque Saint-Lazare. 14 septembre, un tournoi de Summoner Wars, hors tank de la forteresse à Victoriaville. Ça va se passer à cet endroit-là. Sinon, le 18, ils seront ici à Québec. Philosophia sera à La Revanche, qu'on aime beaucoup. On les connaît à puissance maximale. Donc, ils vont parler du jeu Trains. Donc, vous pourrez aller découvrir ce jeu vedette-là le 18 septembre. Sinon, ils seront au jour des jeux à la bibliothèque de Rio le 20 septembre, bibliothèque de Vaudreuil 26 septembre, et finalement, le 28 septembre à la bibliothèque de Lille-Perrault. Encore une fois, c'est dit. Voilà pour les gens de Philosophia qu'on aime beaucoup, qui font de très, très, très bons jeux. Voilà, c'est dit. Sinon, je veux parler de Vitesse Lumière qui s'en vient, le Festival de cinéma fantastique de Québec qui a 15 ans cette année, 11 au 14 septembre au Musée de la Civilisation et au Studio P à Québec. Pour les amateurs de science-fiction, d'horreur gore, de série B, plein de trucs super intéressants qui vont être projetés là-bas. On parle d'à peu près 28 courts-métrages qui seront projetés. Et c'est en collaboration, je crois. En fait, ils vont avoir une version post-festival qui va être présentée d'un film, J'essaie de voir, je suis en train de lire rapidement le texte. Bref, ils sont en collaboration avec le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Autre événement vraiment, vraiment cool dans la région. Sinon, il va avoir le film de Carniard, un membre de Philactère Collant, qu'on aimait beaucoup, qui passait à Télé-Québec il y a une certaine année. Un fameux encan VHS Academy qui s'adresse aux collectionneurs de bonnes vieilles vidéocassettes le même soir. Donc, les gens pourront visionner des courts-métrages, mention honorable, pour en plus d'assister à l'avant-première du trailer 4 de Carniard, des films que vous ne verrez jamais. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai hâte d'aller voir ça. Sinon, il va y avoir des ateliers de création. Il va y avoir aussi une version junior. Il va y avoir des jeunes, on vous en a parlé, qu'il va y avoir des jeunes d'école primaire qui ont fait des courts-métrages d'horreur. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait. Si je me rappelle bien, ça va être présenté au Studio P la dernière journée. Sinon, des soirées inédites avec le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Ça va être jusqu'au 28 septembre. Des trucs comme Dragon 3D, suivi du making-of. Il va y avoir un hommage à Alejandro Jodorowsky, également, qui a fait le très mythique Montagne Sacrée, El Topo également. Sinon, conférence sur les séries web, il va y avoir des primeurs comme le long-métrage Les Jaunes, Projet M aussi. Là, je dis ça rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Je vous invite à vous rendre au www.vitesselumière.org si ça vous intéresse. Toute la programmation est là. Le prix pour vous présenter là-bas. Donc, c'est une invitation de puissance maximale. Là, on devrait y être aussi en tant que média pour aller couvrir quelques trucs. Je vais essayer de me rendre là. J'espère que je serai en forme, parce que je l'ai dit tantôt hors d'onde, mais je me fais arracher deux dents, moi, vendredi. Donc, j'espère que tout va bien se passer et que je pourrai y être. Mais bref, un festival à ne pas manquer dans la grande région ici. Voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, on va passer avec ta chronique « Saviez-vous que » avant de parler de grosses nouvelles qui sont sorties dans le domaine vidéoludique cette semaine. Donc, monsieur Castegan, qu'est-ce qu'on savait pas? Mais est-ce que tu savais que l'image promotionnelle du jeu que t'aimes beaucoup, Chrono Trigger, oui, dessiné par Akira Toriyama, oui, le créateur de Dragon Ball, exactement, a été basée uniquement sur une capture d'écran d'une bêta du jeu. Ah ouais? Quand t'as joué un peu à Chrono Trigger, tu sais un peu à quoi ressemble, c'est une attaque combinée de trois personnages qui attaquent une bébite, mais je ne savais pas que c'était basé sur une capture du jeu du bêta. Oui, je t'ai envoyé le lien, privé sur Facebook, et tu vois justement la petite version de l'image versus l'image promotionnelle que Akira Toriyama avait dessinée. Mais c'est vraiment, ça résume un peu, peut-être pas la quintessence du jeu, mais c'est bien, bien, bien dessiné, puis c'est bien pensé aussi d'avoir d'être allé dans cette particularité-là, dans les premiers RPG qu'il faisait, d'avoir des personnages qui utilisaient leur talent combiné pour créer une super attaque, dans le cas ici, une tree tech, on va dire ça, avec les termes du jeu. Et je vais me permettre de faire une parenthèse aussi, je vais t'envoyer le lien. Si vous êtes fan de Castlevania, oui. Ils ont sorti une vidéo sur la comparaison des jeux de Castlevania versus l'histoire. Très, très, très, très intéressant. Je vous recommande d'aller le voir. Bien sûr, c'est en anglais, mais c'est très intéressant. On préfère parler à notre ami, M. Philippe de Rouville, qui est un grand, grand fan de Castlevania, qui avait fait un très bon panel à GeekFest Québec sur justement l'historique et l'histoire aussi de la franchise Castlevania. Donc, excellent. C'est mis, d'ailleurs, sur la page de Facebook. C'est approuvé par Christian, il fait des oui. Non, c'est ça, Christian, lui, il approuve tout depuis deux minutes. Donc, voilà, c'est dit, Monsieur Castegan, pour les gens qui se demandaient, justement, d'où provenait cette image de Chrono Trigger, et aussi pour Castlevania. Grosse nouvelle, cette semaine est sortie pour, dans le monde des YouTubers et de l'univers vidéoludique, PewDiePie, qui est le plus gros producteur de contenu original sur YouTube, a décidé de fermer les commentaires pour de bon sur sa chaîne YouTube. Et ça a quand même créé un petit tollé. En fait, il explique, et je vais citer une traduction de PewDiePie. Il dit « Je me dérise dans les commentaires et c'est principalement du spam, de l'auto-promo, des gens qui tentent de provoquer les autres, donc des trolls, des gens qui répondent à ces derniers, essentiellement des trucs qui, pour lui, ne veulent rien dire. » Écoute, moi, quand j'ai vu... Puis là, tout ça pour dire... que lui, en fait, après ça, il invite les gens à aller sur Twitter et sur Reddit pour au niveau de la discussion des communications avec lui. Je sais pas ce que vous avez pensé, ben je pense que là Christian vient de te l'apprendre en lisant ça, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi je suis 100% d'accord avec ça. Bien sûr. Parce que YouTube, si c'est un des plus gros ramassis de trolls et de monde qui... C'est de la vidange. Ben c'est ça, c'est de la vidange, c'est même pas de l'opinion intéressante, de critique constructive, c'est j'adore ce terme, c'est de la vidange, totalement. En fait, moi je suis d'accord sur un principe qu'à un moment donné, YouTube va falloir qu'il allume sur quelque chose, et c'est quelque chose que les producteurs sur YouTube disent, et redisent, et redemandent aussi à YouTube, il n'y a aucun moyen de filtrer les commentaires. Tout à fait. Tu sais, dans le cas, exemple, qu'il y a un compte qui décide qu'il spamme 440 milliards de vidéos, ben les producteurs ne peuvent rien faire, à part supprimer le commentaire. Mais c'est à cause qu'ils peuvent pas le bloquer. Et le gars, il peut reposter comme il veut. Puis je pense en plus que quand on élimine certains commentaires, ça vient modifier les trucs de YouTube au niveau de la recommandation. Si je me fie à l'article de branchez-vous.com, sur lequel, d'ailleurs, que j'ai posté un peu plus tôt cette semaine. Et on salue Laurent Lassalle, d'ailleurs. Oui, Laurent Lassalle, qui fait partie de la gang du jeu C'est sérieux, avec Guiz. Laurent Lassalle, que j'aime beaucoup lire sur son site. On se sert souvent de son site comme référence et on en poste souvent sur la page Facebook de Puissance Maximale. Donc, c'est ça, si je me fie à l'article, justement, si ça vient jouer sur la fréquence de recommandation des vidéos. Donc, je peux comprendre que certains... mais lui, tu sais, il a 30 millions d'abonnés, on comprend. Puis c'est ça, le plus gros producteur, il peut s'en permettre plus que certains qui commencent. Quelqu'un qui commence ne peut pas commencer à tout effacer, sinon il va perdre la visibilité. Bref, moi je suis, en tout cas j'ai été, je suis content que quelqu'un l'ait fait, enfin, parce que c'est faux de penser que parce qu'on est sur Internet, parce qu'on a la possibilité de donner nos commentaires, qu'on a le droit de le faire n'importe comment. Puis là on revient un peu au débat de ce qu'on devrait, il y en a qui aimeraient réglementer pour qu'on utilise notre vraie identité. Comme moi, j'ai commencé ça de plus en plus, je m'en vais puis je me nomme Christian Lacroix. Je vais plus mon autre nickname internet là que je disais au début, mais je Red me dis Lacroix, me semble. Red Lacroix, voilà. Hein, j'ai de la mémoire. Oh mon Dieu, c'est bon. Mais bref, c'est ça là. Moi, si je mets mon nom, ben là ça me m'auto-censure là. Ben ça te responsabilise face à tes propos là. Ben là, tu y penses un peu là. Comme dans la vraie vie, si je suis devant toi, ben je dirais peut-être pas tout, je vais l'enrober un peu. Non, c'est ça, ou tu vas juste nuancer ton propos voilà. Non, tout à fait, il faut assumer ce qu'on dit dans la vie, puis c'est pour ça que sur Facebook, les gens peuvent moins sauver. En tout cas, ceux qui utilisent leur compte pour faire des commentaires, mais reste qu'il y a aussi de la vidange là-dessus, beaucoup. Mais je comprends très bien ce que PewDiePie a décidé de faire. Et je pense que ça va être un bon pas dans la bonne direction. J'espère que les gens vont comprendre que faire des commentaires ou juste spammer, là, c'est de la pollution. Oui. Au niveau d'Internet. Ça va sûrement forcer la main à YouTube, là, qui va devoir réagir à ça. Ben, ouais, effectivement, surtout avec... Mais la cause de pire, c'est qu'il y aurait le potentiel de le faire parce qu'ils ont intégré Google Plus au système de likes et de commentaires. Ils l'ont au système. Oh, oui. Mais Google Plus, il est tellement, mais tellement mal intégré à YouTube. Ah oh, oui. Que Google c'est... Plus, de base... Ah, puis by the way, parenthèse comme ça, tant qu'à parler de YouTube, là, je trouvais que la version de YouTube pour les consoles PlayStation était, ma foi, exécrable, et que la version Wii U, Nintendo, était très lente et marchait pas très bien. Mais j'ai réussi à trouver une version de l'application YouTube, pire que tout ça, la version Apple TV. Ah ouais? Je m'excuse pour toute personne qui a un Apple TV et qui ne vit que pour ça, mais... Mon Dieu, que votre application de YouTube, c'est une vidange. J'ai jamais pensé un jour trouver un clavier plus mal foutu que celui-là qu'il y a sur la PlayStation. Celui-là, c'est la PlayStation, c'est une ligne pour écrire. Eux autres ont fait ça comme un clavier de téléphone. Oh. Mais t'es, dans le style pas appuyer trois fois sur une touche là, pour faire la lettre, là. C'est les lettres toutes en lignée. Mais en genre style clavier, il n'y a aucun repère visuel pour savoir vers où qu'on s'en va. Tu cherches les lettres à chaque lettre. Voilà, je voulais le dire. Et ça prend un temps fou mettre les previews, là, l'image pour se donner une idée de qu'est-ce qu'on va regarder. Okay. Puis on parlera même pas de Netflix qui est arrangé de la même façon. Ben, y a rien là. Moi, j'ai connu les téléphones, là, à roulette. Parce que quand tu faisais un œuf, là, fallait t'attendre. Les vidéos YouTube, là-dedans, c'était l'enfer. Il n'y en avait pas. Bon. Monsieur Castegan, je veux passer à une autre nouvelle qui m'a beaucoup choqué, moi. C'est un dossier qui a été publié dans la presse aujourd'hui. Un titre qui s'appelle « La vie pas si rose des créatrices de jeux vidéo ». J'ai été assez Je pensais jusqu'à ce matin qu'on était au 21e siècle. Ça a l'air que non, parce qu'il y a beaucoup de gens, de femmes qui subissent beaucoup de pression à l'intérieur de l'industrie du jeu vidéo, pour pas nommer Zoe Quinn, qui a participé à la création du jeu Depression Quest, qui est une créatrice indie, voilà, indépendante. Et elle s'est vraiment fait harceler sur les forums. C'est vraiment dégueulasse, en fait, là. C'est pas juste des... c'est plus qu'haineux. C'est des menaces de viol, des trucs du genre. C'est vraiment... C'est des menaces de viol, commentaires hyper graphiques à leur sujet, au sujet des femmes. Des gens qui partent des... Tu sais, ils vont vraiment... même jusqu'à chercher faire des recherches d'informations personnelles sur ces filles-là pour rendre ça public. C'est vraiment dégueulasse. Moi, j'ai lu ça ce matin, puis j'ai été vraiment outré de voir ça. Moi, je suis le premier. Tu sais, nous autres, on est les premiers à se battre pour essayer de sortir justement l'univers vidéoludique, entre autres, mais l'univers geek de l'ombre et dire que c'est fait pour tout le monde. Ouais, parce que je sais que la population des femmes a dépassé celle des jeunes récemment, oui. Récemment, point de vue là, de l'audimat. Sont là. Alors, il faut les encourager encore. Ben, il faut les encourager. Respecter aussi, là, c'est la base. Puis, il faut les encourager et les encourager à monter dans les échelons puis de pas avoir peur. C'est plate. On a envie de leur dire, ben, on prenait pas ça au sérieux, mais on n'est vraiment pas à leur place pour dire ça. Je veux dire, un autre exemple qu'on donnait dans l'article, Jade Raymond, qui a été la représentante d'Ubisoft lorsque la série Assassin's Creed a commencé. Mm-hmm. Je me rappelle avoir vu cette femme-là, à tout le monde en parle, qui était venue parler de ce projet-là, défendre les choix, les choix historiques, puis aussi le fait que c'était quand même un jeu violent et tout. C'était ridicule comme entrevue parce que, tu sais, encore les questions de la violence, je pense que les gens comprendront jamais. À ce niveau-là, mais elle s'était vraiment bien débrouillée, puis elle a eu le même traitement. Dès que t'es une jolie fille et que tu prends de la place dans une industrie, là, c'est parce que t'as couché, parce que t'es cute, c'est ridicule. En fait, je vais dire la chose suivante. Il y a pas juste les développeurs, même les joueuses. Tout à fait. Quand un gars joue en ligne, c'est niaiseux, là, mais on dirait que le monde en retombe à un niveau barbare. Ils jouent en ligne, ils entendent une voix d'une fille. La première chose qu'ils se disent, un fourrame. Ah oui, tout à fait. Non, mais... produit. Puis là, mettons qu'ils se font tuer ou que la fille est meilleure qu'eux autres. Ah, c'est une pute. Oui, c'est le déluge des insultes. Ces gens-là, c'est des crétins, c'est des imbéciles. On parlait de nuancer mes propos, mais là-dessus, je le ferai pas. Moi, je suis vraiment outré de voir des choses comme ça. Puis c'est une des raisons pourquoi je joue pas en ligne. Ouais. Parce que c'est pas juste les filles de base se font ramasser pour des questions juste parce que c'est des filles. Mais n'importe quelle personne, c'est le comportement des gens dans les jeux en ligne souvent qui me répugne. Je les comprends. Veux-tu te donner une autre affaire aussi? C'est que autant qu'on parlait tantôt là, de son vrai nom, là, dans l'univers du jeu, on est encore anonyme. Ah, ouais, tout à fait. Ouais. Oh, et dans l'univers du jeu en ligne, surtout au niveau des consoles, tout ce qui est en ligne, en fait, Steam, tout ça, on a des nicknames, on n'utilise pas nos vrais noms. Puis c'est plate parce que, disons, on joue en ligne, là, tu veux faire une plainte contre moi pour harcèlement, là. Bonne chance. Bonne chance, il se passera absolument rien. Mais juste une petite anecdote, une minute, là, il y avait eu une confrontation, une compétition, il y a de l'année passée, je pense, genre Tekken, c'est des jeux de combat. Ouais. Puis cette sous-culture-là là, des gamers, apparemment que c'est les plus machos qu'il n'y a pas. Et puis là, c'était en réel, tu avais les gens qui étaient là, qui jouaient là, face à face, puis il y avait une fille qui était super bonne, elle avait gagné. Puis l'espèce de celui qui c'est comme le leader de la communauté, lui, c'était extrêmement violent, là. Il disait, toi, salope, à chaque fois qu'il gagne, il la traitait de salope, je vais te violer, Devant elle, là, elle reculait. À un moment donné, elle a arrêté de jouer. Là, t'es là, ben voyons, qu'est-ce que tu fais? Là? Je disais pas, ben, j'en peux plus. Là. Mais elle avait signé un contrat, la pauvre. Fait qu'elle était obligée de rester dans d'émission, mais elle faisait rien. Elle prenait son bonhomme, puis elle le promenait. Elle avait juste hâte de s'en aller, puis elle voyait qu'elle était sur le bord de vomir. Non, mais c'est ça. C'est au-delà de l'intime. OK, le trash talk dans les compétitions, tant dans le sport. C'est correct qu'il y en a un certain niveau, mais là, on est rendu ailleurs. On est rendu dans l'intimidation pure et dure. Mm. On est dans le... Non, c'est une violence très... Ben oui. Puis un gars contre un gars, bon, tu peux dire... c'est juste... Mais là, il y a une notion de... Ah, évidemment... Un gars contre un gars, oui, compétition, on y va. Quand on arrive... C'est pas tout le monde qui le fait, là. C'est sûr et certain. Mais quand on arrive contre une fille, on dirait qu'il y a des gens... Que c'est, tu sais, justement, on est dans les années 50, là, le sexe faible, qu'est-ce que tu fais ici? Dans les années années 50, je pense qu'il y avait probablement plus de classe que ça. J'ai l'impression que oui. Il y avait certain... Au moins, ils ne disaient pas des trucs de même. Non, en public. Je dirais que le trash talk qui en est dans une compétition, OK, mais c'est qu'il y a un moment donné, il y a une ligne. Puis le problème, c'est que quand l'autre bord, c'est une femme, c'est la con, ligne, ça. On dirait qu'elle n'est plus là. Alors qu'elle devrait être... Moi, j'arrive en avant de toi et je vais me péter à gueule, tu vas voir, je suis pas mal fort que toi. Tu sais, la provoque comme ça, ça va. Mais que je t'attaque à cause de ton physique, à cause de tes idées, disons, politiques, whatever, de ton j'aime sexe. Bien, j'aime bien le fait qu'elle ait pas dit à cause de tes roues, ouais, parce ça compte pas. Non, ça compte pas. Mais que je t'attaque sur des éléments comme ça, c'est inacceptable. Puis j'étais triste de lire ça. J'espère que les filles qui nous écoutent et les filles qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo ne se laisseront pas faire. Moi, j'en veux plus de filles dans ce domaine-là parce que j'ai hâte. Ils vont amener une nouvelle dimension aussi à l'univers du jeu vidéo puis à l'industrie. J'ai hâte de voir ce qui est... Oui, mais il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne des gars. Oui. Puis si je vous êtes dans une convention, dans une situation que vous voyez, c'est trop facile de passer son chemin, ça me concerne pas. Non, il faut mettre tes culottes nous-mêmes, puis intervenir. Hey, va-t'en, arrête de faire ça, là, puis scram. Parce que tant qu'on fera pas ça, on est des complices. Bon, tout à fait. Donc, mettez vos couilles sur la table, messieurs. Aïe, aïe. Et, on n'a pas dit clouer, là, on a dit les mettre. Et faites ce qu'il faut faire pour stopper ce genre de situation. Chapeau aux filles qui restent dans l'industrie. Quand même à ceux qui partent à cause de ces situations-là. J'espère que ça ira mieux pour vous après. Mais tout ça pour dire que restons debout et combattons ce genre de comportement complètement inacceptable. Voilà, c'était l'éditorial sérieux de Puissance Maximale. Monsieur Castegan, une nouvelle plus douce cette fois-ci. Samsung a dévoilé son Gear VR, son casque de réalité virtuelle, encore une fois, du site branchezvous.com. Donc, c'est en collaboration avec Oculus. Donc, en collaboration avec... Facebook. Donc, son premier casque de réalité virtuelle, donc c'était des rumeurs donc qui sont maintenant fondées. On nous suggérait mai dernier... C'est en mai dernier qu'on suggérait que Samsung travaillait sur cette collaboration avec Oculus afin de concevoir un casque de réalité virtuelle propulsé par le Galaxy S5. C'est en réalité le Note 4 qui sera le cerveau de l'expérience mobile proposée par l'entreprise sud-coréenne. Le casque en soi est donc très différent du Rift, donc le Oculus Rift qu'on connaît. Et voilà, sinon, rapidement comme ça, je veux pas lire tout l'article non plus, mais je vais citer ici... je veux voir qui est-ce que je cite avant de le dire. Ah, monsieur J.K. Shin, PDG et président de la division TI et communication mobile de Samsung. Il dit, le Gear VR de Samsung va bien au-delà des attentes sur la façon dont la technologie mobile peut être utilisée pour consommer du contenu et présente sans équivoque l'innovation progressive de la gamme Gear. Il dit aussi, nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Oculus sur là-dessus. Il nous dit, bon, l'écran Super AMOLED du Galaxy Note 4 est présenté comme le candidat idéal pour accomplir la tâche. Sinon, tes taux de rafraîchissement supérieurs aux écrans LCD, c'est ce qu'on nous dit. Rapidement comme ça, design du casque est futuriste, effectivement. C'est un gros casque. Évidemment, un casque de réalité virtuelle, c'est pas discret. Donc, look, pour diverger un peu du look des concurrents. Sinon, il n'y a pas beaucoup. On nous dit qu'ils vont se brancher avec un câble micro USB. Les capteurs intégrés au casque viendront certes complémenter ceux de la phablette, donc le phone tablette, voilà, à laquelle Gear VR est branché. Voilà. Donc, plus de détails à venir prochainement, j'imagine. Voilà, c'est lancé pour Samsung, qui se lance aussi dans la business de la réalité virtuelle, messieurs. Michael? Oui? Je sais qu'on arrive proche de la fin de l'émission. Oui. Au pire, là, on dépassera de quelques minutes, mais je tiens vraiment à parler d'une nouvelle qui, moi, m'a mis un peu en battance. Allons-y, M. Castegan. Et puisque Christian est là, j'aimerais savoir son opinion là-dessus. Il y a eu le Tokyo Game Show qui a passé. J'ai pas eu l'occasion de regarder toutes les nouvelles. Mais il y a eu une nouvelle que Nintendo a annoncée que moi, personnellement, j'ai fait come on. Et c'est l'annonce de la New Nintendo 3DS. Je sais pas si tu as vu ça passer. Ouais, est-ce que c'est celle avec les boutons Super NES, là? Pas juste ça. Ok, vas-y. Nintendo a annoncé une nouvelle mousseuse de sa Nintendo 3DS qui devrait paraître le 10 octobre 2014 au Japon ou en courant de l'année 2015 ailleurs dans le monde. Okay. On parle d'une console 3DS qui a à peu près 1,2 fois plus d'écran que l'ancienne, qui a mis effectivement un petit clin d'œil rétro aux manettes de Super Nintendo avec les quatre boutons de couleur. Mais le point où moi ça me fait mal et que je suis un petit peu fâché de la chose, c'est que ce n'est pas juste une remouture de la console 3DS. On parle ici d'une nouvelle console 3DS. Oh, OK. Donc, il va y avoir, mesdames et messieurs, des jeux qui vont être compatibles uniquement sur cette nouvelle console-là, parce qu'on parle d'une console plus forte, avec des écrans meilleurs, et on mis une console à double gâchette. Donc, okay, il va y avoir deux gâchettes dessus, versus la 3DS qui en avait juste une paire de gâchettes. Et aussi, il va y avoir qu'est-ce qu'on appelle un C-Stick, qui est comme un genre de petit bouton qui est juste à côté de l'écran, qui va faire office de deuxième joystick. Un peu comme qu'est-ce qu'on voit sur certains portables, là, sur le clavier, okay, ouais, là, ouais, genre de petite pinouche rouge, là. Mmh. Et puis en même temps le fameux capteur Amiibo là, pour les petites figurines comme la Wii U. Mais je suis un peu choqué de cette nouvelle là qui ressort la même console mais en version 2.0 mais que qui est pas rétro-compatible. Ben, les jeux 3DS sont compatibles sur la New 3DS. Mais qui vont développer des nouveaux jeux seulement pour cette console là. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu ordinaire de la part de Nintendo, surtout que si on constate que la Nintendo 3DS est quand même encore très jeune comme console portable, si on suit la durée de vie de ses prédécesseurs. Et moi, étant supporteur de cette console depuis le jour 1 de sa sortie, parce que je suis propriétaire d'une 3DS depuis le lancement de la console, et je suis resté avec cette console-là depuis le début, je me sens un peu floué dans la chose, parce que je trouve que finalement la console que j'ai entre mes mains aurait dû être la console qu'il y a là. Et tu sais, je comprends les rééditions comme exemple DSi qu'il y avait eu, des choses comme ça, mais tu sais, quand la DSi est sortie, je n'avais pas une urgence d'aller m'acheter une DSi. C'était des nouvelles fonctionnalités, mais les jeux étaient les mêmes que la c'était DS. Pas une nouvelle console. Ce qui arrive, c'est qu'ils lancent une nouvelle console sous le couvert de la 3DS. Ouais. C'est que ça. Le monde font, ils sauront pas, ou c'est pas si publicisé que ça. C'est ça. C'est un peu hypocrite comme... Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est hypocrite. Je trouve que c'est de profiter d'un nom d'une console. Et en même temps, je trouve que ça va mettre, encore une fois, l'incertitude au niveau de la clientèle, à savoir, est-ce que la 3DS, c'est une New 3DS? Ouais. Un peu comme la Wii et la Wii U. Il faut croire que Nintendo n'a comme pas appris au niveau de la nomenclature de ces nouvelles consoles. Ben, peut-être qu'ils jouent, ils savent très bien puis qu'ils jouent là-dessus pour justement créer peut-être des ventes. Mais moi, en tant que consommateur averti, je trouve cela un peu déplorable comme action de la part de Nintendo. Tout à fait. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais c'est effectivement assez ordinaire de proposer finalement, puis on n'en avait pas entendu parler avant, là. Ça n'a pas été annoncé au E3, ils n'en ont pas parlé non plus. Non. Récemment, lors de la Gamescom, mais juste ça sort de nulle part un peu. Là. Oui, mais est-ce qu'ils vont continuer de faire des jeux pour la 3DS quand même, l'ancienne, ou pas du tout? Ben, il y a encore des jeux pour la 3DS, c'est sûr que les gros canons de la 3DS vont être sur la New 3DS. Okay. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce qui va sortir, comment ils vont arranger ça. Puis mais bon. Une autre chose aussi, je vais faire une parenthèse, que je suis comme... Ça aussi, c'est un peu ordinaire. Le navigateur Internet qu'il va avoir sur la New 3DS va être augmenté, amélioré pour avoir une fonction de lecture vidéo et tout ça dessus. Par contre, il faut rentrer son numéro de carte de crédit si on veut le navigateur débloqué. Parce que sinon, il y a le système de filtration de Nintendo pour empêcher d'aller sur les sites considérés matures. Nice. Donc, comment s'arranger pour avoir votre numéro de carte de crédit? Non, c'est ça. Puis avoir possibilité de faille de sécurité... On met jamais son numéro de carte de crédit à une place inscrite sur Internet, à part dans les trucs sécurisés comme votre banque. Eux, ils l'ont de toute façon. Là. Mais en tout cas, moi, j'essaie de fonctionner le moins possible avec ça. Sur Sony, Internet. Moi, je me suis fait prendre là, quand il y a eu le grand... Ouais, c'est ça. C'est pour ça Play Store. Ouais, avec le PlayStation Store. Moi, depuis... j'ai jamais utilisé ma carte de crédit là-dessus. Je ne marche que par le wallet. Je vais aller me chercher des cartes ou des trucs de genre. Ou au pire, enregistrez-la pas. T'es rentré là à chaque fois. C'est tannant, c'est long. C'est long, mais enregistrez pas ça. Mais ça laisse un historique pareil. Ouais. Oui, mais en tout cas. C'est moins pire que quelqu'un qui... Allez chercher des cartes. Ça va être moins compliqué et plus sécuritaire. Bon. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Cette 7e année est bien commencée, je le sens. Donc, j'espère que ça va tout continuer à se passer aussi bien tout au long de la prochaine année. Je tiens à remercier M. Vincent Langlois qui était là en début d'émission. Merci Vincent d'être passé avec la jolie Eliane.